On est... C'est bon ? Oui. Ok. Bon, est-ce que tout le monde nous entend ? Dites-le sur la chatbox, comme ça on vérifie juste. Tout le monde nous entend ? Dites-le sur la chatbox, comme ça on vérifie. Par contre, j'ai un super écho là en phrase. Ah, mais j'ai pas de... Problème technique, c'est parti. Tout de suite, forcément. C'est formidable. Non, c'est bon, j'ai plus de soucis. Bon, sans problème technique, c'est pas drôle. Allez, on y va. Eh bah écoutez, bon, bah je vais vous dire déjà bonjour et bienvenue pour le premier podcast FR. Donc voilà, on est très heureux que vous soyez aussi nombreux. Franchement, pour l'instant, apparemment, on est 31. Je m'attendais pas à ce qu'on soit autant, donc c'est super cool. Donc vous êtes ici pour entendre, j'imagine, hein, comme tous, des nouvelles sur My Little Pony Friendship is Magic. Nous sommes donc des bronies français et nous sommes au nombre incroyable de 5 à présenter cette émission. Donc ce que je propose tout de suite avant de commencer, c'est que, évidemment, nous-mêmes, nous nous présentions afin que vous nous connaissiez. Alors, moi, pour ma part, je suis Trollac d'Aponis sur le chatbox, mais on me connaît aussi sous le nom de Tac. Je suis l'investigateur grosso merdo du podcast, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment créé, c'est sur une idée de DPX qui n'est pas là, bonjour à lui, et qui a été relancé en fait par l'ami Frastoff que je vais vous présenter par la suite, enfin qui va se présenter plutôt lui-même par la suite. Et mon rôle à moi sera principalement de vous présenter des PMV et de réaliser des interviews au sein du podcast. Alors là pour aujourd'hui, comme certains le savent, j'interviewerai moi-même monsieur Lorenzo, qui n'aime pas qu'on l'appelle vraiment par d'autres pseudos, mais qui tient le blog, enfin le blog, le Tumblr Ask Twilight Sparkle. Si vous ne l'avez jamais vu, on va vous donner les liens, vous aurez tout, on a un forum qui est en place, vous retrouverez tous les liens à la fin de l'émission directement sur le forum. Donc voilà, pour ma partie PMV plus interview, voilà, je passe la parole à mon ami belge Frastov. Vas-y, c'est à toi, je t'en prie. Je te remercie, cher collègue. Alors oui, en effet, donc je suis Frastov sur le forum de French Brownie, aussi sur DeviantArt, sur la checkbox, je suis Franck Gazov, bien entendu. Ma rubrique sera quant à elle consacrée à la présentation de la série ainsi que quelques news tout aussi, enfin qui pourront concerner la série en elle-même ainsi que sur sa communauté. Donc je suis en effet le second instigateur de ce podcast et j'espère que vous allez apprécier notre travail parce qu'on a vraiment tous travaillé d'arrache-pied pour vous offrir du rêve et je laisse donc la parole à mon collègue. Je t'en prie. Oui, oui voilà, donc oui, c'est moi qui prends le flambeau. Donc moi je ne suis pas du tout un instigateur de ce podcast, mais je suis quand même très content d'être là. Donc c'est Alistair, pour ceux qui me connaissent déjà, qui m'auraient peut-être entendu quelque part. Je suis donc sur le forum French Brownie, et c'est moi qui vais animer la rubrique fanfiction, dans laquelle on parlera, comme c'est bizarre, des fanfictions, qui ont formé le fandom international, et qui sont connus de quand même pas mal de Brownie, ne serait-ce que pour instruire tous ceux qui les connaissent pas. Et bref, on va parler de la base des fanfics de MLP, on parlera des écrits en cours qui sont moins connus, on parlera de ceux qui débutent quand il y en a, hein. Et vu la masse de production du fandom, il y a des chances qu'il y en ait souvent. Le tout avec peut-être, de temps en temps, on verra ça plus tard, un petit dossier sur un auteur particulier, hein, s'il a à son actif un certain nombre d'écrits de qualité, on va dire. Voilà, donc je laisse la parole, tiens, je te renvoie la parole, Zafan, attrape-la bien, tiens. Non. Merci beaucoup. Donc salut, moi c'est Xafan. Sur le forum French Brownie, je m'appelle Xafan aussi. Sur le forum du podcast, je m'appelle Xafan aussi. Et là, sur le chat, je suis French Brownie Xafan. Attendez, laissez-moi vous écrire un petit coucou. Voilà, c'est fait. Donc moi, personnellement, je suis pas instigateur du tout non plus. En fait, moi, on m'a juste pris parce que je suis le quota sympathique du groupe et qu'en fait, je sers juste à raconter des conneries. Donc sinon pour ce qui est du travail, on m'a bien dit en fait, comme ils savent très bien que moi je suis une grosse feignasse qui ne fait que des conneries, bah on m'a juste donné la musique parce que c'est ce qui demande le moins de temps de parole, donc voilà. Donc moi je vous présenterai les musiques. Alors je vous présenterai beaucoup de musiques déjà connues en essayant de donner des petites infos dessus. Je vous présenterai aussi des musiques sorties dans le mois, mais jamais, comment dire, jamais beaucoup de musique en même temps en fait, parce que sinon ça pourrait prendre trop de temps, et puis sinon bah, je suis là pour dire des conneries, donc si vous entendez une grosse connerie, c'est moi, hein, vous en faites pas. Voilà, et puis je vais envoyer la parole à notre dernier membre, c'est... Allez Dream, c'est à ton tour. Alors c'est un mec qu'on n'entend pas. Louder. On m'entend pas là. Ah, bah, quasiment pas. Mec, s'il te plaît, attends. Fais pas ta Fluttershy, parle plus fort. Louder. Je hurle là. Bon, on m'entend hein, cette fois ? Ah, c'est mieux. Oui, on... Bon. Alors, donc moi c'est Rave, sur French Brownie c'est Rave, Derpy sur le topic. Et là, bah, je vais présenter tout ce qui est fan game, donc les jeux développés par des fans. Ça peut être des jeux terminés comme des projets en cours, ça dépend de l'ampleur, d'attente des fans. Alors je vais parler de toutes les infos que le développeur a donné. Comme voilà. Par exemple. Comme eux, c'est bien ça. Non mais il n'y a pas grand chose à faire. Non alors attendez, parce que Jinashi a fait une très bonne blague. Il a dit vends-nous du rave. C'est très bien trouvé, bravo. Ouh, ça s'applaudit. Vous prononcez mon pseudo comme vous voulez, parce que j'ai eu droit à toutes les prononciations. Donc maintenant je m'en fiche un peu, vous pouvez m'appeler Jean E de mes. C'est comme tout à votre honneur, hein. Je vous laisse en freestyle pour ça. Enfin bref. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Alors si on vous donnait le sommaire, hein, je pense que c'est la première chose à faire, donc parce que vous savez maintenant ce qu'on présente et tout. Alors ça va commencer avec Fras qui va vous présenter les news, plus il va vous faire une petite présentation de la série parce que c'est le premier numéro. On peut imaginer qu'il y a des gens qui connaissent pas, et puis de toute façon il a fait sa fiche, alors on va quand même pas le laisser sans la lire, ce serait con. Parce que je voudrais quand même pas mettre boudiner les doigts pour rien. Voilà. Ensuite, une fois qu'il aura fini Fras, ce sera Xafan qui pourra mettre une de ses musiques. Enfin, il le fera tout au long du podcast, en fait, il a pas... Ouais, ça, voilà. Il est réparti sur le podcast. Je savais pas où le mettre. Je suis pas, comment dire, en fait, je suis pas confiné à un temps de parole précis. Moi, en fait, ici, c'est chez moi, hein. Je c'est un intermittent, en fait. Voilà, c'est moi, je suis un intermittent, moi, je suis partout chez moi. Je profite du système, je touche le RSA, tout ça, c'est cool. C'est génial, n'est-ce pas? Et après, ça intéresse, on le vend. On le vend pas cher. Et après, ce sera au tour d'Alistair qui va vous présenter donc trois fanfics qu'il a choisis. Tu peux, alors ce sera quel fanfic, tu peux les dire maintenant que c'est le sommet. On peut les dire, oui, donc en premier lieu on parlera de l'incontournable Cupcake, je suis désolé pour ceux qui aiment pas ça, mais bon, ceux qui aiment ça, je sens qu'ils vont apprécier. Ensuite on parlera d'une fiction toute petite mais pas très connue qui s'appelle Apple of My Shy, donc vous verrez bien, moi j'ai beaucoup aimé. Et en dernier lieu on verra Of Harmony and Chaos, qui est très récente aussi, et qui est en cours, parce qu'elle est, mine de rien, elle a l'air assez longue. Hein. Alors, et pour les fanfics. Ouais. Et pour la suite, moi, je vous présentais trois PMV, donc dont un qui vient de sortir. Donc, j'ai pas envie de dire le titre parce qu'honnêtement, il vient de sortir. Mais imaginez Derpy qui est croisé avec le générique de Cardcaptor Sakura. Vous en avez, enfin, il y en a deux. Oui, oui, oui, oui. Je montrerai la très connue de Shadow Point, Shine Rarity, c'est ça, hein, c'est le titre. Hein, Shine Like Rarity, c'est bien ce qui me semblait. Et en dernier, je présentais My Little One Up. Mais qu'on mettra tout à la fin après même l'interview, parce que comme elle dure plus longtemps, ce sera parfait pour clôturer. Voilà. J'aurais une requête par contre au tac. La prochaine fois, je veux que tu me mettes Play Like Pinkie Pie. Oui, mais la prochaine fois, pas de soucis. Merci fanboy. Et puis vas-y, je te laisse présenter ta section, Drift. Ah, alors, ça y est, on l'a perdu. Dans ce podcast, plus fort. Je vais te présenter My Little Investigations. Alors je pense qu'il y en a certains qui connaissent. Bizarrement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes pour un jeu qui a l'air assez énorme, surtout avec des possibilités très développées. Mais bon, de toute façon, ça, j'en parlerai lorsque viendra ma rubrique. Oui. Et voilà. Et voilà. Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère que vous êtes tous impatients. Ah, et au fait, juste pour dire, notre invité, pour ceux qui ne savent pas, Ask Twilight Sparkle, donc Lorenzo qui tient son Tumblr, il est français, donc vous allez tout avoir en français, hein. Comme ça, pour une première émission, on prend pas trop de risques, on se rattrape pas. Donc écoute, Fraz, je te laisse la parole et je te laisse commencer, ok? Je te remercie, mon cher ami. Alors là, je viens avec du gros, je viens avec du lourd, mais avant, pour les éventuels néophytes pardon, qui nous écoutent, je me dois de présenter la série pour ce premier épisode de ce podcast. Donc je vais commencer. J'envoie. Here we go. Bon bah pour je voulais juste pour ceux je voulais qui juste pas bien, je tiens juste à rappeler que vous pouvez toujours régler le son du live stream parce que je rappelle que il n'est jamais à fond. Et je voulais te rappeler une chose, phrase, juste une petite. Enfin, comme je ne peux pas suivre, tu sais, en même temps en direct, sinon on aurait de l'écho. J'espère que tu as coupé la musique pendant que tu parles pour le reste, parce que sinon ça va être un peu chiant de superposer. Puis je pense qu'à bout d'un moment, les gens, ils ont un peu mal aux oreilles avec. Oui, certes, t'en fais pas. J'ai quand même pas tout mélangé en une fois. Vous voyez comme ça sent l'organisation, hein, ça se chante de tous les côtés. N'est-ce pas. Mais c'est bien. Allez, vas-y, je t'en prie, fais. C'est du chaos organisé, n'est-ce pas? Oui, c'est du organized chaos. Bon. Alors, en ce qui concerne la présentation de la série, alors, je vais commencer avec une simple recette. Du sucre, des poneys, et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients d'un dessin animé pour enfants parfait. Mais Hasbro ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique Faust. C'est ainsi que naquit la quatrième génération de Mon Petit Poney, plus connue sous le nom de My Little Pony Friendship is Magic, mettant en scène 6 personnages principaux et toute une foule de personnages secondaires faisant des apparitions plus ou moins brèves, ainsi que ce qu'on appelle des background ponies, comme le très célèbre Derpy Hooves, qui doit son succès à une erreur d'animation, lui donnant un strabisme pour le moins comique. Tout ce petit monde évolue dans les environnements très variés, mais le gros de l'action se passe principalement à Ponyville, où la licorne Twilight Sparkle s'est récemment établie dans le cadre de ses études sur l'amitié. Les épisodes se concluent à 90% d'une lettre, la plupart du temps rédigée par Twilight elle-même à son mentor, la princesse Celestia, dans laquelle on trouve la morale de l'épisode. Ces morales font d'ailleurs partie de ce qui fait la force de cette série, car beaucoup parmi celles-ci inculquent des préceptes qui sont malheureusement aujourd'hui vacants. Une autre force de cette série, c'est son humour sacrément décalé, sa multitude de références et en d'autres cartoons, films, musiques connues, ainsi que des mèmes du web, souvent issus de la communauté des fans de MLP elle-même. Les expressions du visage, les gags, les bruitages rendent l'univers de MLP FIM nettement moins niais que les générations précédentes à celle-ci, vous en conviendrez. Et maintenant, un petit peu d'histoire. Bien que diffusé pour la première fois le 10 octobre 2010 sur une chaîne jeunesse des États-Unis nommée The Hub, ce n'est qu'au début de cette année que MLP FIM gagna en popularité, notamment sur les rubriques Cartoon et B de 4chan, où elle se propagea comme une traînée de poudre à grands coups de gags, de cupcakes, de muffins et une bonne dose d'amour et de tolérance. Oui, un tableau idyllique. The Japanese My Passion a parlé de troll. Attention, vieux, ne te lance pas sur ce sujet. Oui, mais oui. En effet, évitez de troller, s'il vous plaît. Continue. Merci. Je disais donc, oui, un tableau idyllique, me direz-vous. C'est alors que le Banhammer frappera sans ménagement, ce qui conduisit plus tard à la naissance du très célèbre Pony-chan et à l'apparition de plus en plus de fanarts de MLP sur le tout aussi célèbre DeviantArt. Déjà, la ténacité des bronies n'était plus à démontrer. C'est surtout grâce à YouTube que la série prit réellement son envol, à partir du moment où de plus en plus des vidéos et des épisodes en VO, VOSTFR, détournements, PMV et autres ont été postés sur ce dit site. Comme vous l'aurez compris, on est bien loin du public cible de la brave petite fille de 7 à 11 ans coiffant gentiment son petit poney. Ce que Hasbro n'aurait jamais cru possible auparavant, c'est qu'ils ont maintenant affaire à un public beaucoup plus âgé, principalement masculin et donc plus averti, issu de toutes les cultures, envahissant les magasins de jouets et se livrant à une véritable razzia dans les rayons petites filles, portant de plus en plus souvent le doux parfum des testostérone et de la sueur. Bien plus qu'un simple mème sur le web, nous assistons véritablement à la naissance d'une nouvelle sous-culture du web, à l'image des amateurs de manga, des joueurs de Minecraft, j'en passe et des meilleurs. Nous ne comptons désormais plus les sites tels que Ponychan ou Equestria Daily, dont la version étendue de Equestria Girls a été dédiée à la communauté. Notre communauté s'enrichit de jour en jour, que cela se situe dans des activités aussi diverses et variées que dans l'art, la musique, les fanfics et même dans les jeux vidéo. D'ailleurs, pour le petit moment, le saviez-vous ? Saviez-vous que l'appellation Brony elle-même est la contraction de deux mots anglais étant Brotherhood et Pony ? Alors vous aussi, rejoignez la confrérie et prenons l'amour et la tolérance dans ce monde de brutes ! Oh mon dieu, c'est incroyable. N'est-ce pas ? Ouais ! Ouah, il a fait tout ça sans respirer. Attention. Maintenant, tu vas prendre une grande inspiration. Voilà. Ne stresse pas autant, je te jure. Bon, on sent que c'est le premier, hein. Ah, on sent que tu stresses bien. On le sent bien. Oui, oui, oui. Bah écoutez, hein, les enfants, je n'ai pas l'habitude, ce n'est pas comme toi, Otak. Oui, je ne sais pas. Oh, j'ai bien stressé au début, hein, je ne voudrais pas dire. Mais vas-y, tu peux faire tes news, hein, je t'en prie. Je te remercie, c'est trop aimable. Alors, vous m'en voulez pas, je mange ma pomme. Hein. Mais, mange ta pomme, hein. C'est bien ta vie. Alors, je vais enchaîner avec les informations concernant la saison 3. En ce qui la concerne, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle sera prévue pour la seconde moitié de 2012. À part ça, non, on n'a pas grand-chose à mettre sous les dents, si ce n'est que cette dernière contrat que 13 épisodes, pardon, évoquant la possibilité que la fin du monde soit en effet provoquée par la disparition de ces poneys colorés que nous aimons tant. La voilà, la véritable conspiration du 21 décembre 2012. Plus sérieusement, nous sommes en droit d'espérer que l'aventure ne s'arrête pas là. Cela peut être une porte ouverte à la production d'une saison supplémentaire. J'affirme cependant qu'il est de la responsabilité de chacun de se mobiliser, plus que jamais, pour maintenir cette série. Dans le pire des cas, eh bien, avec la communauté ultra créative dont MLP a été gratifiée, on pourra toujours se consoler en s'amusant sur les futurs My Little Investigation ou Fighting is Magic. Donc cheer up les enfants, le puits est loin de se tarir. Je vais continuer avec une petite touche de légèreté avec les aversions et plantages en tout genre qui nous arrivent du monde entier. Oh oui, je vois déjà le visage de certains d'entre vous sur lequel se dessine un large sourire jusque derrière les oreilles. Mais ces sourires risquent de se transformer en clameurs et en émeutes pour certains d'entre vous. Vous pensez que les doublages de la version française ne sont peut-être pas aussi sympas qu'en anglais ? Je vais vous démontrer que nous ne sommes plus pas si mal gâtés que ça par rapport à certains. En effet, Equestria Daily nous a trouvé quelques perles qui méritent qu'on en parle. Chez nos amis polonais, par exemple, vous seriez forcé de vous adresser à la star des Wonderbolts, Spitfire, en utilisant la formule Gentlecolt. Oui, vous m'avez bien compris, les doubleurs d'Europe de l'Est ont masculinisé les belles. On peut dire que ça fait son effet, sachant qu'il s'agit bien entendu d'une jument à la base. Vous pouvez d'ailleurs trouver les extraits de ces magnifiques plantages sur le site d'Equestria Daily. Tremblez, mes amis, parce qu'une autre erreur de ce type est bien pire que la précédente existe. Saviez-vous qu'au Brésil, notre casse-cou national, connu sous le nom de Rainbow Dash, a subi la même malédiction de la masculinisation forcée ? Certes, son côté garçon manqué est bien plus qu'affiché, mais on peut dire quand même qu'ils y sont allés plutôt fort. Ou alors il s'agit d'une référence à une couche de la population brésilienne. Non ! Je sais à quoi vous pensez, bande de filous ! Je terminerai ces informations avec une note bien plus fabuleuse. En effet, pour celles et ceux d'entre vous qui se rendent régulièrement sur le site de vente de t-shirts et d'accessoires dérivés de MLP willoffine.com, vous avez sans doute remarqué qu'un concours de design a été organisé à l'occasion des premiers épisodes de la saison 2. Les résultats sont d'ores et déjà possibles à la vue. Excusez-moi, je viens de me planter, c'est merveilleux. Je dis donc que vous pouvez toujours voir les résultats sur le site internet mentionné précédemment. Sachez que le regagnant de ce concours a empoché la somme de 3 000 $ US, ce qui n'est pas rien, et qu'il a bien évidemment droit à un pourcentage sur les ventes des t-shirts qu'il a designés. Alors faites chauffer vos cervelles et soyez créatifs, parce qu'un autre concours ne saurait plus tarder. Ce sera tout pour les news de cette première édition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la place à mes collègues maintenant. Bon, c'est l'heure d'une petite musique ? Oui, c'est l'heure de... Tu peux pas lancer ta première musique, je pense. Alors écoute, je crois qu'on va commencer par une musique qui est sortie le 3 septembre 2011. Oui. Ça a été fait par le DJ Alex S. Et ah ça bon, s'appelle celui-là. Party with Pinky. Voilà. C'est Phrase qui doit la lancer. Oui. Et Phrase, je t'en prie. Vas-y, ouais. Balance. Wow, all you have to do. Voilà. Donc ça, c'était Party with Pinky de DJ Alexis. Donc, déjà, je vais répondre à une petite remarque faite un peu plus haut. À savoir que, visiblement, les gens considèrent que présenter une musique comme ça n'est pas nécessaire puisqu'on la connaît déjà. Moi, je ne vais pas présenter que des musiques exclusives. Je vais revenir sur des musiques déjà connues, je l'ai dit au début du podcast. Et ensuite, pour faire plaisir à Pinkie Pie, sur le chat, Pinkie Pie a parlé de Pinkie Pie Swear, DJ Alex, Ponybeat et de Wooden Toaster. Et ben, réjouis-toi Pinkie Pie parce qu'il y a deux chansons de Wooden Toaster aujourd'hui. Voilà. Oh. Et donc, pour vous faire plaisir, le lien pour Party with Pinky. Mais que, de toute façon, qui sera retrouvé, enfin, que vous pourrez retrouver sur le forum, hein, comme tous les deux. De toute façon, vous pourrez retrouver tous les liens sur le forum. Donc, des petites informations sur Party with Pinky. Party with Pinky est donc une musique qui a été mise en ligne par Alexis le 3 septembre 2011 sur YouTube. Donc, j'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions sur Skype. Et il m'a confié qu'il avait eu besoin d'utiliser 60 pistes différentes et qu'il a toutes superposées pour faire cette chanson. Donc il a dû synchroniser 60 pistes en même temps pour faire ça. Donc vous pouvez respecter. Donc Somfred Brownie, réjouis-toi, il y a Nightmare Night aujourd'hui au programme, donc je savais que ça vous plairait. Donc petite information, le jour où j'ai choisi cette chanson, j'ai visité un peu la page et il faut voir que 2 mois après sa publication, cette chanson avait déjà 298 353 vues. Donc c'est pas rien, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà sur leur iPod, leur iPhone ou leur MP3, on s'en fout. Et puis, écoutez, moi personnellement j'attends avec impatience les prochaines chansons de DJ Alex. Il y a eu, un remix de cette chanson par un mec. Il y a un gars qui a fait un remix de ce remix, c'est con, hein, c'est un remix dans un remix. Et donc, vous pourrez le chercher sur YouTube aussi, vous devriez le trouver à partir de la vidéo. Oui, mais si tu donnais le nom, ce serait bien. Et donc, ça s'appelle pas mal, oui. Ça s'appelle Party with Pinky, The Living Tombstone Remix, il me le semble, un truc comme ça. C'est ça, oui. Oui, c'est celui-là, il est bien. C'est celui-là, c'est voilà. C'est la même chanson, sauf qu'elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus malsaine en fait dans ce remix. C'est Remixception, parce que tout le monde le dit sur la chatbox, c'est bien. Oui, Tombstone, oui, c'est... voilà. Et du coup, en fait, elle est vachement plus malsaine, et personnellement, moi, je m'en sers quand je joue à... quand je joue à League of Legends, ou à World of Warcraft, ou des trucs du genre, hein. C'est sympa. Et comme ça, il fait du placement produit, remarquez comment il est très fort, c'est vrai qu'il y a des actions qui épisodent. La publicité... Je précise pour ceux qui n'ont pas remarqué que Tac est un commercial, hein, donc voilà, oui, il aime bien placer des références. Vous avez des pubs toute la journée, hein. Et donc, bah écoutez, moi je laisse la parole à... C'est à qui là, déjà? C'est à moi, normalement, paraît-il. Vas-y. Voilà. Voilà, donc il paraît que c'est à moi. J'avais dit que j'allais parler des fanfics. En l'occurrence... Mais en fait, c'est pas vrai, il va faire de la pub. Sale troll. Donc non, en fait, on va vraiment parler de fanfics, hein. Désolé de te décevoir. Et comme je le disais dans cette première rubrique, on va donc commencer par parler de fiction connue, et plus précisément de la fiction connue sur MLP. Si on a une à citer, c'est bien celle-là. Je parle évidemment de la très célèbre et de la très déclinée Cupcakes, écrite par Sergeant Sprinkles, de son pseudo complet au passage, Sergeant Sprinkles 2. World's Greatest Party Clown, je déconne pas, postée originellement sur la board Code 4chan, bien sûr, en janvier 2011. Elle met en scène une Pinky psychopathe face à une Rainbow Dash totalement déboussolée. Et le seul tag qu'on lui attribue généralement, c'est celui de Grimdark. T'as dit, biscopate là. Biscopate ? Biscopate, t'as dit. J'ai dit biscopate. T'as dit biscopate. Ouais. Alors, elle est biscopate. Elle est biscopate. ça va devenir un mème du podcast. Hein. En fait, elle doit avoir un problème avec la bisque de homard ou quelque chose, je sais pas, elle est biscopate. Oui, bon, psychopathe, tu as très bien compris. Ben, voilà. Non. Désolé tout le monde. Bref, donc ce tag de Grimdark est assez révélateur quant au contenu de la fiction, pour ceux qui le savent pas. Le Grimdark, ça désigne un univers qui est ici totalement noir, sinistre, gore à outrance. On tombe dans les pires des extrêmes. Donc le synopsis, sans spoiler, Rainbow Dash, en plein entraînement de vol, se souvient d'un rendez-vous pris avec Pinkie Pie pour l'aider à faire des cupcakes. Jusque-là, tout va bien. Or, en arrivant, Pinkie drogue Rainbow Dash, qui se réveille sans comprendre dans une cave bien malsaine. Xaphan aime bien les caves malsaines. Attaché à une table, oh là là, si tu savais, toute joyeuse de partager un tel moment de torture avec ses amis. Et de là, la poney 3 lui fait évidemment subir tout un tas de sévices, plus ou moins sanglants et horribles les uns que les autres, jusqu'à ce que, si vous savez pas, vous verrez bien. Je suppose, moi, quand même ici, que tout le monde a lu Cupcakes, sans doute en anglais. Pour ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu la lire en anglais, sachez qu'il existe une traduction en français. Et oui, elle est manifestement peu connue, puisque je l'ai donné plusieurs fois, le lien, sur le forum. Elle a été effectuée par un membre du forum, justement, vers mi-juillet. GIG, on voit plus beaucoup, mais qui a quand même fait un travail bien sympathique sur la fiction, puisque c'est une traduction qui est très proche du texte original la plupart du temps, même si bon, certaines expressions, certaines blagues sont assez difficiles à traduire en français. Bon, moi, ce que j'en ai pensé de cette fic, le récit en lui-même, pour parler de ça, du style, on va dire. C'est court, c'est un one shot de 7-8 pages, assez facile à lire en soi, hein, c'est relativement bien écrit. Pour parler du style, je disais que j'ai jamais vu personne le remettre vraiment en question, le style vraiment en lui-même. C'est-à-dire que c'est clair, c'est bien construit, et on ressent bien tout ce que l'auteur a voulu faire passer. On se retrouve presque dans la peau de Rainbow Dash, on a presque mal avec elle. Je dis presque. Tout ce que l'auteur voulait faire passer, à savoir du sang et des tripes. Voilà, et comme c'est pas bien difficile, justement, bah, il a bien réussi. Je dis que j'ai presque eu mal avec elle, parce que, bon, forcément, j'y étais pas. Mais surtout, j'ai un peu bloqué sur certains passages. J'ai trouvé, moi, que ça passait un peu vite. Je dis pas que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais ce qui est dommage, c'est que mon rythme de lecture, il a été un peu coupé par tous ces événements qui s'enchaînent limite sans transition, quoi. Moi, je l'ai lu en 3 fois, la fic. Je pense pas que je suis le seul à qui c'est arrivé, ou à qui ça arrivera. Non, moi, je l'ai lu en une fois, mais je mangeais. Mais je vous conseille pas de manger en la lisant, en fait. C'est très con. Oui. Surtout ouais, écoute, moi, je l'ai lu en une fois, et j'étais mort de rire d'un bout à l'autre, en fait. Honnêtement, il y a plus gore que Cupcakes, quand même, hein. Oh oui. Il y a plus gore que Cupcakes. Oui. Puis bon, après, tout ce qui dérange, c'est lié au contenu, hein, pas au style à proprement parler. Au niveau des personnages, le côté random de Pinky, il est complètement fidèle à la série. Ça, on peut pas le nier. Le seul truc, c'est qu'il est complètement perverti aussi pour servir le côté obscur de la force. D'ailleurs, je précise à ce propos, hein, que rien n'indique dans la fiction qu'elle est en mode Pinkamina Dianpai, son double schizophrène pour ceux qui savent pas. Donc la plupart des fanards qui la représentent avec les cheveux raides et son air de malade mental sont des abus de compréhension. Tout simplement parce qu'à l'époque où la fic a été postée, en janvier 2011, les épisodes 23 et 25, les seuls où on aperçoit cette fameuse coiffure, je crois bien, corrigez-moi si je me trompe. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas sortis, ces épisodes. Alors, on aurait pu se l'imaginer, mais ça aurait quand même été un gros coup de bol, je pense. Donc voilà, en gros, niveau transcription de l'univers de MLP, c'est tout bon. Ensuite, pour l'histoire, moi personnellement, le gore visuel, c'est déjà pas ma tasse de thé, hein, à la base. Même si, bon, je le supporte, j'ai déjà vu des films de zombies, ça va, je m'évanouis pas devant ce genre de truc. Mais là, avec un livre, c'est différent. On peut pas mettre sa main devant ses yeux, on peut pas détourner le regard un instant, parce que l'avantage avec les livres, c'est que les lignes de texte, elles vous attendent fidèlement jusqu'à ce que vous les lisiez. Dans Cupcakes, on assiste là à une espèce de boucherie gratuite, vraiment gratuite, hein, vaguement expliquée par un scénario finalement assez bancal. Hein. Mais un scénario qui trouve quand même son, je le mets entre guillemets, son charme, hein, parce que je vois pas comment on peut trouver beaucoup de charme à ça personnellement. Et en tout cas, il trouve sa raison d'être dans la folie pure et simple de Pinkie Pie. Finalement, quand on y regarde de plus près, le côté psychologique, c'est bon, je l'ai bien dit, de l'histoire est relativement bancal. Quand même. Non, mec, tu t'as le mal prononcé, c'est bisque. Ah non, c'est pas biscologique. Psychologique, oui. C'est bien ça, tu l'as bien prononcé, c'est bon. Alors. Puisque tout ce qui est présenté est selon Pinky normal. Il n'y a absolument rien qui paraît étrange à Pinky. Donc évidemment, pour Dashi, c'est différent, elle a la qu'à subir. Mais de la part de Pinky, il n'y a absolument aucune remise en question, aucune explication. Donc voilà. C'est du gore gratuit, ça stimule. Et Dashi, dans tout ça, ça devient la seule étincelle de raison dans ce monde de malades mentaux. Et dans ce genre d'histoire, c'est justement que nos repères s'en trouvent bouleversés, ici dans une moindre mesure quand même. Mais c'est ça qui dérange. Moi, c'est ça m'a pas laissé indifférent et je suis pas le seul. Petite étincelle de raison, vite étouffée par Pinkie Pie. Ah, très vite étouffée, malheureusement. Mais ne spoil pas, je t'en supplie, ne spoil pas. Oui, enfin, spoiler Cupcakes. Spoiler Cupcakes, oui, enfin. Ouais, spoiler Cupcakes. Il faut quand même partir du principe que certains d'entre nous n'ont peut-être pas lu. Voilà. Ouais, c'est bon, on sait tous comment ça finit, c'est comme les épisodes de MLP, quoi. Surtout celui d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Mais nous ne spoilerons pas l'épisode d'aujourd'hui. Nous ne spoilerons pas, tu ne spoileras point. Oui, mais il est juste très bien pour moi. C'est tout ce que parlons quelque peu du fandom, si vous le voulez, avant que ça dégénère. Cette fiction, au sein du fandom, elle a été reçue de manière assez, même très très mitigée, hein, entre ceux qui détestent le grimdark et le gore en général, et ceux qui adorent ça. Quoi qu'il en soit, Equestria Daily, qui a newsé la fiction quelque chose comme, je crois, un mois après sa parution sur 4chan, truc comme ça, se prononce sans équivoque à son propos sous le tag Grimdark as fuck, à savoir putain de Grimdark, suivi de la mention postée uniquement parce que je suis fatigué et parce qu'on me le demande, vous lisez à vos risques et périls. Donc voilà, c'est Isto, qui est le grand patron d'Equestria Daily, en tout cas celui qui lance le plus de news, a un parti pris évident pour cette fic, et ne semble pas franchement l'avoir apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire. Et des tas de commentaires, rien que sur la fiche d'Equestria Daily, vont dans ce sens. Mais évidemment, ça compte pas les réactions sur DeviantArt, sur PonyChan, sur PonyBuru, sur n'importe quel autre site de Brony, hein, demandant pourquoi il avait posté, qui suppliait la suppression, qui hurlait de désespoir. En général, c'est les... Je dis en général, mais évidemment, c'est pas... Ou qui vomissaient tout bonnement leur trip. Qui vomissaient tout bonnement leur trip, si tu veux, oui. En général, c'est les fanatiques de Rainbow Dash qui aiment pas cette fiction. Bon, ceux de Pinky, pas forcément tous non plus, mais bizarrement, j'ai remarqué qu'il y avait plus de fans de Pinky dans les fans de Cupcake que des fans de Rainbow Dash, comme c'est étrange. Oui, c'est bizarre, oui. Bizarre, hein. Bon, en parallèle de ça, s'ils sont pas toujours aussi expressifs que les détracteurs, les fans de Cupcakes sont bel et bien présents, puisque en témoignent de nombreuses fins alternatives, des suites, dont un bon nombre sont répertoriées sur la même news que celle de Cupcakes, qui mettent en scène des tortures encore plus atroces, plus longues, sur d'autres personnages, par d'autres figures de la série. Apple Bloom qui fait mumuse avec la tripaille de sa grande sœur, par exemple, hein, ça a presque gagné en popularité presque autant que Cupcakes. On trouve aussi des écrits qui tentent de faire l'effet contrepoids, vous voyez, sur le morbide de la fiction, en moralisant un peu la fin. Il y en a une qui imagine un rêve de la part de Rainbow Dash ou Pinkie Pie, je sais plus. Il y en a une où, juste à la fin, il y a un réalisateur qui dit « Coupez !» En fait, c'était un film. Donc ça sent la fin un peu faite à l'arrache, mais voilà, il faut bien se rassurer de Cupcakes. Voilà, imaginons ça comme une thérapie anti-Cupcakes, en plus de tous les fanards de la même facture. La BD où Pinky se fait trop loler par Celestia, en trouvant Cupcakes par terre, qui la lie et qui va se jeter dans les bras de Rainbow Dash. Hein, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, quoi qu'il en soit, fiction qui exalte ou qui révolte, cette fic est la plus connue, je pense, de MLP, du fait de sa large diffusion, du fait de sa diffusion, enfin de sa diffusion quasiment avant toutes les autres. C'est un peu la base des fanfics. Donc voilà, c'est quasiment inséparable de la série pour les bronies confirmées, et en particulier du personnage de Pinkie Pie. Et de ces petits gâteaux. Voilà pour Cupcakes. Et après, vous vous faites tous des muffins parce que vous avez plus envie de voir des cupcakes, parce que vous faites non, je vais pas faire de cupcakes en fait. Non, pas du tout. Non, mais c'est parce que vous avez pas de burn, c'est tout. Ça. Exactement, Flutter Pie, premier arrivé, premier servi. Exactement. C'est un peu ça pour le coup. Je... Ben, bon, là, oui, c'est complètement le cas parce que voilà. Elle est arrivée en premier et tout le monde la connaissait au début. Le pote Brony qui avait, ils en ont parlé aux Brony qui sont arrivés Ouais, voilà. De toute façon, la fic a tellement stop, attendez une seconde s'il vous plaît. Oui. Là, il y a. Attends, où il est ? Gris Runold qui dit un truc, que les muffins sont supérieurs aux cupcakes. Je suis désolé, c'est faux. Les cupcakes, ils ont du glaçage dessus, ça les rend super. Ah, mais justement, je préfère les muffins parce que le glaçage, je trouve que c'est trop. Mais bon, ça, tu sais, les goûts et les couleurs. Hein. Peut-être que ça sera l'objet d'une autre émission. On fera un débat culinaire plus tard. Exact. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour le fandom de Cupcake, qui est la preuve qu'il est très connu. T'as plein d'animations flash, t'as une BD, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Je suis pas super fan de la BD, je préfère largement la fic, enfin, je préfère largement. Enfin, voilà, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de dérivés, hein. Ça prouve vraiment la popularité de la fic. Donc, bon. Le fait est que c'est là, et que bah, si c'était une fic qui était pas populaire, il y aurait pas tout ça. Bah, tout c'est simplement. Ça. Et donc tu veux nous présenter quelle fic après ? Donc, allez, on passe à la suivante, vivement la suivante, on en a marre, c'est ça ? On va passer à la suivante. Donc la suivante, je disais, c'était Apple of My Shy, une fanfic un peu moins connue, voire même presque inconnue du fandom. Parce que là où Cupcakes frise les 1000 commentaires sur Equestria Daily, Apple Shy n'en a que 25. C'est dommage selon moi, parce que bon, vraiment elle en vaut la peine. Elle arbore timidement, Fluttershy oblige, le tag normal et le mérite amplement. Ici, pas de découpage de poney, pas de guerre nucléaire, pas de visiteurs spatiaux, pas d'histoire d'amour romantique qui par définition finit mal, juste de la magic friendship, tout ce qu'il y a de plus basique mais super efficace. Vous excuserez mon accent anglais. Cette fic, elle reste quand même assez récente puisqu'elle date de fin septembre, le 19 pour être précis. Elle vient de DeviantArt, où un certain Gojira007 écrit des fanfics et dessine des fanarts, non pas seulement sur MLP, je précise, hein, mais aussi sur des trucs super comme Mickey, Sonic ou Code Lyoko, donc c'est un très bon gars, un très bon brony, et voilà. Cette fic, je crois qu'elle a été newsée un mois après sur Equestria Daily, une fois complète en fait. Parce que oui, voilà, c'est une histoire complète, ou plutôt trois histoires indépendantes, assez courtes. Elle traite en fait de la relation entre Fluttershy et Applejack, donc rien de bien compliqué comme je disais. Et si sur Equestria Daily d'ailleurs la fic est appelée Apple of My Shy, ce titre est en fait celui de la troisième partie, puisque la première se nomme Farmer Meet Flutter et parle de la rencontre entre les deux ponettes, alors que Fluttershy vient de quitter Clubsdale un peu avant, donc, et vit sur la terre ferme avec ses amis les animaux, dont Angel, qui chaparde les carottes de la fermière. Dans le second chapitre, qui s'appelle A Thousand Miles Shy, ça se passe durant l'épisode 7 de la saison 1, à savoir, donnez-moi le titre. Et alors Dragon Shy. Dragon Shy, ouais, voilà. Il y en a un qui suit. Intéressant. Je vous, il y en a un qui suit, moi j'étais là, putain, sur quelle merde déjà. Vachement sérieux. Donc, bref, hein, pour le mec qui dans cet épisode, il y a que moi qui suis de toute façon, voilà. Les mecs. Ça non mais je sais, il y a que toi qui est gentil avec moi, Xafan. Ça change d'habitude. Voilà. T'inquiète pas, viens dans mon bureau, on va discuter. Non, ça va aller. Donc reprenons sur Dragon Shy, l'épisode donc où la Pégase est paralysée au sol à cause des grognements du dragon qui pue en son de sa montagne. C'est au moment où Applejack redescend de la falaise pour lui faire prendre un autre chemin. Je vais même regarder pour être sûr. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, elle attache la queue de Fluttershy autour de son cou, je crois, et elle la traîne à même le sol, pour la traîner en haut de la montagne. Le dernier chapitre, il prend place encore globalement dans la série, puisqu'il se passe juste après l'épisode, j'ai plus le numéro, Running of the Leaves, je crois que c'est le 13, je sais plus. Quoi qu'il en soit, ça se passe après, Fluttershy... a été réquisitionné pour aider Applejack à nettoyer son champ qui a été mis à mal par la compétition du poney d'acier. Je crois que je me gourre pas dans la VF, mais j'ai plus regardé en VO, je suis désolé. Et donc elle trouve Applejack en train de s'entraîner au saut en longueur dans une épreuve qui est une épreuve de la compétition, et s'ensuivent évidemment un certain nombre de dialogues plein de bons sentiments, mais je ne spoilerai pas comme d'habitude, du moins pas tout de suite. Ce que j'en ai pensé moi de celle-là, personnellement, c'est qu'il fallait que le fandom découvre cette petite fille, en premier lieu. Voilà, malgré sa petite taille, elle est absolument pas dépourvue d'intérêt, parce que bah, tout d'abord, elle est écrite et orientée en direction de films et pas ailleurs, pas vers une destination plus ou moins obscure que seul voit l'auteur, on sait pas vraiment où il veut en venir, non, c'est pas le cas du tout. Là, on a des réflexions qui sont plutôt habituelles pour MLP, si bien qu'on se croirait vraiment dans le dessin animé. Les caractères des persos sont respectés à 100%, jusqu'au moins de petits tics de langage ou de petits tics gestuels. Moi, rien que cette ambiance déjà très friendship, ça suffit pour m'attirer. Ces filles qui essaient un peu de garder l'intact l'univers de la série, elles sont déjà assez rares, enfin ou plutôt sont rares celles qui y arrivent vraiment. Elle est vraiment de bonne facture. C'est peut-être le bon point vraiment de cette série, de cette fiction, pardon. Deuxièmement, un autre bon point que j'ai voulu soulever, elle explore un point de la série qui n'est pas abordé dans la série elle-même, à savoir la relation entre deux des Main Six et uniquement elle. Même si bon, là, ça déborde un peu parfois sur Rainbow Dash, mais bon. Elle est jamais présente, elle est juste citée. Il y a vraiment que les deux Ponettes. Et donc elle traite cette relation de manière sincère et juste, on s'y croirait vraiment, sans aller jusqu'à dire que ça rend l'histoire adulte non plus. Hein. On se retrouve dans quelque chose de déjà un tantinet plus mature, hein. Même si c'est peut-être qu'en partie dû au scénario, hein, du fait qu'on sort de la certaine naïveté enfantine qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Point. Voilà. Cette remise en question, on la ressent surtout dans le dernier tiers de l'histoire, puisque Applejack, ça lui arrive jamais vraiment de se remettre t'as question, dit que tu spoilais pas, mec. Ah, trop tard, j'ai dit pas pour l'instant. Et donc, voilà. Quel troll! Jusqu'à présent, Fluttershy, qu'on croyait timide et manquant cruellement de confiance en elle, va lui remonter le moral de manière assez efficace. L'auteur a réussi à pas rendre cette relation statique, vous voyez. C'est-à-dire que, comme les personnages eux-mêmes, eh ben, elle évolue. Vous me direz, c'est logique. Je vous répondrai oui dans la vraie vie, mais dans les fictions, plus encore dans les fanfictions, c'est pas toujours le cas. De plus, détail tout de même à noter, hein, je fais une petite parenthèse, mais le tout reste quand même largement crédible au niveau scénario. Hein. Les circonstances de la rencontre sont un peu plus dans le ton de la série. Rien de ce qui est dit déborde sur la série, il n'y a pas d'anachronisme. Donc voilà, on mettra ça sur le fait que le scénario est pas extrêmement compliqué non plus, voire peut-être même prévisible, mais bon, le but ici c'est pas de faire frémir les groupies d'impatience. Hein. Pour nous autres francophones, la compréhension de fanfic en anglais, je conçois, c'est pas toujours aisé, je suis le premier à le dire, mais bon, cependant, pour ceux qui ont pas de problème, hein, le texte est bien construit. On n'utilise pas trop d'expressions de vocabulaire ultra pompeux. Personnellement, j'ai eu qu'à chercher, je vais aller une dizaine de mots pour chaque texte, qui font à peu près l'équivalent de 4 pages Word standard à peu près. Donc rien de bien méchant côté format, ça reste dans le facilement compréhensible. Dans l'ensemble, un bon petit mélange, bien sympathique pour ma part. Y a des gens qui nous redemandent si tu peux redonner le nom de la fille et combien qu'elle fait de pages. Apple of My Shy, je vais même l'écrire s'il le faut. Écris-leur vite fait, ouais, sur la chatbox, je pense que ça les intéresse. De toute façon, même si on donnera les liens, mais écris-leur. Là voilà, donc elle est sur Equestria Daily, et donc, comme l'a dit le cher ami Otak, on aura le lien sur le forum. On donnera elle fait combien de pages, juste pour... parce qu'il y en a qui demandent. Elle doit faire une douzaine de pages au total, avec les trois chaînes. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, elle était pas grande et tout. Moi honnêtement, quand tu m'avais lu la fiche, quand tu m'avais lu ta fiche, j'avais été vachement intéressé, je me souviens de toute façon on a tous demandé tu peux redire le nom et tout à la fin, on était à fond quoi, franchement, elle a l'air vachement sympa cette petite fic. Pour ceux qui demandent le titre de la première partie, de toute façon vous cherchez ce que je vous ai donné sur Equestria Daily, et ça c'est le titre global de la fic. Le titre de la première partie, il est donné juste en dessous, donc il n'y a pas vraiment besoin de le savoir pour trouver la fic. Donc voilà. Voilà, niveau fandom, parce que quand même je suis pas le seul à l'avoir lu malgré tout. Avant la lecture, certains des bronies ont manifestement cru une histoire de shipping, traduction histoire d'amour entre les poneys, voire même après la lecture, pour les plus radicaux du genre, je trouve ça très drôle, l'écrit leur a quand même rapidement donné tort, hein. ça n'a pas été au goût de tout le monde, même si je soupçonne du troll dans cette affaire, hein, n'ayons pas peur des mots. Ce à quoi a répondu un membre, oui, c'est le tag friend shipping qu'il fallait ajouter, et moi ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que bon, la phrase de résumé d'Equestria Daily, elle peut laisser planer quelques doutes, hein, malgré l'absence du fameux tag. Juste la relation entre Fluttershy et Applejack, on peut s'imaginer aller très très loin là. Hein. Sans ça, bah, l'idée a été relativement bien accueillie et saluée par la foule. Hein. Elle possède cette fic 5 étoiles sur Equestria Daily, ce qui est relativement pas mal, hein, en sachant que le maximum c'est 6. Pour la comparaison, Cupcake, elle en a 3. Tiens. De même sur DeviantArt, la fic, là où la fic a été postée à la base, même si dans l'ensemble il y a peu de commentaires, ils sont à peu près tous positifs, allant du simple j'aime ça au triple so cute, je soupçonne quand même les amis d'être venus soutenir la cause, encore que j'en sais rien, je suis peut-être mauvaise langue. Quoi qu'il en soit, je remets pas en cause leur sincérité parce qu'on n'a pas un simple commentaire j'aime à la Facebook, mais une série de conversations quand même construites avec l'auteur. Donc vraiment, ils s'y sont intéressés. Sans ça, vu qu'il s'agit d'une fille peu connue, bah, elle a pas soulevé le fandom, elle a pas récolté des commentaires en masse. Je peux pas forcément en dire beaucoup là-dessus. Il y a pas de comme cupcakes, il y a pas de fanart en masse. Voilà, bah, ce qui donne son charme à la fic, bah, c'est l'originalité, la simplicité conjointe du sujet, quoi. Le tout porté par un ton fidèle à la série, sans aucune incohérence. Le seul défaut qu'on pourrait lui attribuer serait son volume, parce que bon, 12 pages, ça peut paraître trop court. Moi, en tout cas, à la fin, quand je suis sorti de là, j'en voulais encore, hein, j'avais encore faim, c'était trop court. Donc voilà, un conseil, si vous aimez la simplicité sans prise de tête, si vous aimez Fluttershy et Applejack, si vous aimez My Little Pony, alors bah, jetez-vous sur cette petite tranche de vie, comme on l'aime dans MLP, cette espèce de retour aux sources là, hein, qui fait tout son charme, et ce qui fait aussi que cette série, elle est so awesome. Je n'imite pas très bien Rainbow Dash. J'annonce par ailleurs, au passage, encore une petite parenthèse, qu'une traduction est en projet, hein, et verra le jour sur le forum French Brony sous peu, sans doute par moi-même, je sais pas vraiment, sauf s'il y a un autre volontaire qui se propose et que je suis pas surbooké. Moi, j'ai bien envie de la faire, quoi qu'il en soit. Mais moi, je trouve qu'il y a actuellement trop de tags tristes sur les traductions anglophones qu'il y a sur le forum. Donc voilà, vous aurez plus aucune excuse pour pas la lire, celle-là. Voilà pour Apple of Fresh. Des questions, chers amis? Non, ouais, non. Est-ce que t'en sais pour la troisième fic? Je sais pas. Oui. Si, il le fait et après, ça nous va à ton tour, mais il le fait. Comme ça, il fait ça, toute sa partie. Donc tu peux y aller, Alistair, je t'en prie. Je peux y aller? Oui, vas-y. Ah. Oui, bon, vas-y maintenant, fonce vers tes rêves. Vas-y, crois-moi à tout ce que tu fais. Laisse-moi parler, ta gueule. Ah, c'est pas très gentil, ça. mais ma maman, elle a dit que t'étais pas gentil. Ça suffit, hein. Et voilà, c'est déjà le bordel. Non, mais non, vas-y, on t'en prie, vas-y. Donc, disais-je, on va partir sur une fiction un peu plus conséquente et écrite par un certain Brightwell, que je ne connais pas du tout. Donc une fiction plus conséquente puisqu'elle possède déjà 5 bons chapitres. Je vais maintenant vous présenter Of Harmony and Chaos, une fanfic qui porte le tag Stad. Magnifique switch d'image juste au bon moment, c'était synchro, c'était beau. Tu es trop fort. Bravo, je suis vraiment fier de toi. Donc bref, cette fic qui traite de la genèse de l'Equestria qu'on connaît. Elle semble encore plus récente que la précédente puisqu'elle a été postée le 1er novembre par Cetisto, le grand patron. Or, comme il s'agit là d'un Google Doc, j'ai pas moyen de savoir si ça a été posté avant quelque part, si... Enfin, j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé de précis, donc voilà, on va s'en tenir à ça. On va dire que voilà, 1er novembre, date de la parution de Of Harmony and Chaos. Donc plus récente, mais pourtant plus connue, hein, à peine plus, ceci dit. Mais sans doute grâce à son contenu plus large, hein. 2 chapitres sont déjà plus volumineux que l'ensemble d'Apple of My Shy. Et c'est encore régulièrement mis à jour, hein. Pour preuve, le chapitre 5 qui m'a trollé en paraissant mercredi soir, il y a 3 jours. Donc encore une fiction active. Mais que s'y passe-t-il donc? Celestia, Nightmare Moon, Discord, les éléments d'harmonie. Toutes ces choses qui ont secoué Equestria 1000 ans plus tôt, que s'est-il passé en ces temps anciens, dont les échos résonnent encore un millénaire plus tard? Est-ce vraiment la simple jalousie qui a transformé Luna en la cruelle Nightmare Moon? Comment un être aussi fou que Discord a-t-il pu devenir le maître d'Equestria? Que sont exactement les alicornes? Et que sont appelés à devenir Celestia et Luna? Il y a encore beaucoup de réponses dans les livres d'histoire dont les princesses n'ont pas parlé ou qu'elles ont choisi de passer sous silence. Ah ah! Voilà le résumé officiel de la fanfic. Comme je disais, elle revient sur l'histoire cachée d'Equestria telle qu'on la connaît. On se retrouve donc plongé plus de 1000 ans en arrière, alors que Celestia et Luna ne sont que des enfants qui vivent à Canterlot, qui à cette époque n'est pas un palais, ni même une grande ville. Leur mère, qu'on voit dans la fic, le premier personnage qu'on voit d'ailleurs, c'est une puissante alicorne qui commande au soleil et qui est sur le chemin du retour, d'un long voyage, lorsqu'éclate un orage. Dans la grotte qui lui sert d'abri, se trouvent déjà 2 autres créatures, dont l'une est mourante malheureusement, et la licorne ne peut rien pour elle puisque elle est en train de elle est juste vieille tout simplement, voilà, on peut pas, même la puissance de cette alicorne ne peut pas guérir de la vieillesse, et donc elle lui promet de s'occuper de son jeune fils, et c'est ainsi que la mère de Celestia et de Luna rencontra Discord. Donc voilà, encore une fois, on a du lourd. Moi, j'ai encore une fois, j'ai bien aimé. Hein. J'ai pris que des fanfics que j'ai bien aimé. On a affaire ici à un récit, toujours en anglais, évidemment, plus long. Le premier chapitre fait 8 pages. Le dernier en fait environ 25. Donc il y a quand même une bonne marge entre les deux. Et c'est quand même légèrement plus difficile que le précédent à cause d'un vocabulaire plus étoffé, un style plus littéraire. Je suis pas spécialiste de la langue anglaise, hein, loin de là. Mais j'ai déjà eu plus de mal à comprendre toutes les tournures de phrases. À ce propos d'ailleurs, hein, Google Traduction semble avoir au moins autant de mal que moi. Ça m'a fait rire des fois. Bref, voilà, c'est une fiction moins accessible, malheureusement, mais qui vaut quand même le détour pour ceux qui n'ont pas peur du patois d'outre-Manche. J'ai quand même remarqué parfois quelques erreurs de langue, de ponctuation. Même chose avec les descriptions, la jument d'ivoire par exemple, ça revient tout le temps, c'est de manière très récurrente. Mais bon, pas de quoi s'inquiéter malgré tout, hein, ça reste toujours agréable à lire. En dehors de ça, de quoi je pourrais parler, bah, du scénario peut-être. Jusque là ça se tient bien. Même si bon, c'est un peu long parfois, il y a souvent des détails qui apportent pas forcément d'informations essentielles au récit. Mais bon, c'est toujours sympa à lire. Quand on aime ça, voilà, c'est, on s'ennuie pas vraiment. Mais le problème, c'est de décrypter l'anglais quand même. Ça peut vite devenir assez lourd. L'auteur, quand même, dans son scénario, il a trouvé matière à écrire, hein, parce qu'il s'est servi de tous les éléments du passé qu'on connaît, d'Equestria, de la série, pour les réintroduire avec ses propres interprétations dans son histoire. C'est l'ingrédient de base de la fanfiction, hein, en général. Mais ici, c'est bien travaillé. Les parties réelles et imaginées par l'auteur se collent très bien entre elles. Ça reste crédible, hein, même si bon, on doute tout de même que ça pourrait pas s'agir du canon de la série. On imagine mal mourir la mère de Discord en plein milieu du show, hein, puisque on voit pas vraiment de mort pendant le show, c'est pas vraiment le but. Ça fait pas partie des thématiques officielles. C'est de pas qu'on voit pas vraiment de mort dans le show, c'est qu'on voit pas de mort dans le show. Personne crève dans la MLP. Oui, bah en gros c'est ce que je suis en train de dire, oui. Mais merci pour ton intervention. Niveau personnages, les seuls qui sont connus de la série là dans la fic, c'est Discord et les deux princesses. En tant que petite filly qui sait à peine parler, Luna n'a évidemment pas encore de personnalité bien définie comme dans la série, même si bon, dans la série sa personnalité elle est entrevue qu'en un seul épisode. Mais par contre, elle est censée avoir un an environ, d'après ce que dit sa mère, et elle est trop choupie. Elle est trop choupie. Vraiment. Alors attends, t'as dit que Luna avait une personnalité, mais je t'en prie, Luna a autant de personnalité que le dos d'une petite cuillère. Bien, alors je suppose que l'on vire Xafan du podcast. Alors ce t'as le solarien, va. Toujours comme ça, les solariens. Là, ça va être... Ça, c'est, tu viens de provoquer un truc, j'ai peur, hein. J'ai pas envie que ce podcast tourne en guerre civile. Mais vous savez tous très bien que l'Empire... J'ai jamais vu les commentaires défiler si vite sur un live stream. Bref. Il est très fort. Le Xafan est en forme, le Xafan aujourd'hui. Si je pouvais continuer, ça m'arrangerait. Hein. Ben, voilà, excusez-moi, mais je devais le faire. C'était dans le contrat. Hein, voilà. C'est le dieu du troll, c'est pas pour rien. Je t'en prie, Alistair, fini. Bref, donc Celestia et Discord, de leur côté, sont pas vraiment ce qu'ils deviendront dans la série, ce qui est logique dans la mesure où la fanfic va traiter des causes de tout ça. Celestia, de son côté, semble être une ado très responsable, hein, qui s'occupe de sa petite sœur en l'absence de sa mère, et qui se méfie des inconnus, je pense à Discord quand il apparaît. Mais elle reste quand même une ado, malgré tout, hein, avec tout ce que ça comporte, vis-à-vis de son comportement par rapport à sa mère, toujours absente. Un comportement plaisant à imaginer chez Celestia, pardon. Ça change de la toute puissance, oui, de la souveraine, quand même. Et de la toute puissance de je détiens la force ancestrale. Mais c'est un peu ça. Enfin, elle sait tout faire. Elle est toujours calme. Ça, c'est la légitimité, les enfants. Vous pouvez là, pas. Là, c'est pas le cas. Attendez, vous voulez dire que là, dans cette fille, il y a une alicorne avec un slip en fourrure et une épée qui dit je détiens la force puissante. C'est bizarre comme image quand même. Et d'où tu le sors, ton slip en fourrure? Bah, je sais pas, tu dépostes ta mère à Discord. Oh, mais c'est dégueulasse! Oh, mais non! Sortez-le! Oui. Peter, ils font quoi là, sans déconner? On va changer ce sujet que je sens sensible. Oui, c'est dur à dire. Très. De son côté, bon, donc Discord, hein, on va parler de Discord. C'est déjà étrange qu'il s'appelle Discord, dans la mesure où son nom reflète sa personnalité d'esprit du chaos, hein. Or, dans la fic, il en est encore loin, dans les premiers chapitres du moins. Lorsque sa mère meurt de vieillesse et qu'il est confié à Aomin, donc c'est le nom de la mère des deux princesses, je sais pas d'où ça vient, il est simplement un jeune Draconecus qui a vécu certes à la dure, mais qui est poli, agréable, curieux, et surtout différent. Parce que la race des Draconecus est en voie d'extinction, et même Aomin, qui semble quelqu'un de très cultivé, très intelligente, n'en avait jamais rencontré. Ou peut-être dans sa folle jeunesse, je ne sais plus, je me rappelle plus bien ça. Donc bref, c'est normal, il se fait regarder un peu bizarrement, il se fait pas accepter par tout le monde, en particulier Celestia, même si elle le montre pas et que bon, elle fait des efforts. Reste à voir après comment les choses évoluent, mais non, je ne spoilerai pas. Donc bah, voilà, après les relations entre les entre Celestia et Discord, je trouve que c'est vraiment le limite le centre du récit là-dessus. Bah, parce que c'est ça qui a déclenché tout ce qu'on sait dans la série. C'est ça qui a déclenché la guerre entre guillemets entre Celestia et Luna et Discord. On voit d'ailleurs les éléments d'harmonie, hein, ils sont pas encore identiques à ceux qu'on connaît, mais ça, je ne spoil pas, ça tournera de manière à ce qu'il n'y ait plus que les six éléments qu'on connaît. Quant aux autres persos, ma foi, des personnages originaux, dont un bibliothécaire dans la force de l'âge, hein, ça me rappelle vaguement quelqu'un du forum, qui font tous penser à des clichés un peu camouflés des séries d'Heroic Fantasy. Vous voyez, on a l'ami qui sert de nourrice à Luna, on a la jeune fille très énergique, on a le vieux sage, enfin voilà. Des personnages plutôt classiques. Mais quand même, petit détail sympa, puisqu'on peut pas retrouver les Main Six dans cette période, c'est normal, l'auteur a décidé d'intégrer dans l'histoire des poneys des personnages issus du concept art basique de Lauren Faust, pardon. Je sais pas si tout le monde a vu cette image, Surprise, qui est l'ancêtre de Pinkie Pie, qui est blanche avec des ailes et une crinière blonde, ou encore Firefly, qui est l'ancêtre de Rainbow Dash. Bien qu'encore dans la fic, je crois qu'il la colle en terrestre alors qu'elle est censée être une Pégase, mais bon, passons. Aussi un clin d'œil rigolo, Aomin, donc qui est la mère de Celestia et Luna, elle ressemble. Ça, c'est une grande alicorne blanche à la crinière rouge. C'est bizarre, hein. Voilà, donc. Alors attends, ça me dit quelque chose. C'est une version codifiée de Lauren Faust. C'est je crois que ça me dit quelque chose. Je sais. Ah, moi, je ne vois vraiment pas quoi, hein. Je suis vraiment bleu. Peut-être, ouais, je vois pas trop qui ça pourrait être, cette licorne. Mais quand par même. Contre, est-ce que tu vois la prochaine musique que tu vas nous lancer, Xafan? Oui, bien sûr que je la vois, elle est sous mes yeux, là. Je vois la musique, moi, monsieur. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la prochaine musique, du coup? Alors, la prochaine musique, ça va faire plaisir à Pinkie Pie, je crois que c'est elle qui en a parlé. Ça va faire plaisir à Pinkie, c'est She's a Pony. C'est un remix de Wooden Toaster. À la base, c'était une chanson de... Je vais vous donner son nom. À la base, c'est une chanson qui a été faite par Powis, P-2-O-W-I-S. C'est en fait un mec qui a calé des répliques de Pinkie Pie sur la musique de Pirates des Caraïbes. Et donc, en gros, Wooden Toaster a donc en fait repris ça et il a fait un remix qui sonne beaucoup mieux que l'original. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc, ça a été mis en ligne le 11 septembre 2011 et puis on va écouter ça tout de suite. Transition, phrase est peut-être mort. Bah non, c'est bon, j'ai lancé là. Ah. Yeah. Voilà, donc veuillez excuser les espèces de bruit absolument atroce qu'il y a eu dans le, pendant la chanson. C'était des parasprites qui baisaient sur les micros. Voilà, exactement. Ah ouais, non, mais là, j'ai pas compris là, ce qui s'est passé. Hein. Non, alors, là, c'est des parasprites. Voilà. Je pense que le micro de rêve se fait posséder. Les mecs. Non. Moi, il est coupé, hein, le micro. Je sais pas, j'ai pas touché depuis le podcast. Maintenant, on a droit à la magnifique qualité sonore digne de la télévision iranienne. C'est magnifique. Et du coup, il y a un écho, un fantastique écho. Oui, en effet. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Mais moi, je vous dis. Les gars, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais bien finir mon spot. Vas-y, je t'en prie. Voilà, pour une fois. Donc oui, je disais, excusez pour les sons, c'était des parasprites qui baisaient sur les micros, hein, ça arrive toujours. Et donc, c'était c'est She's a Pony, ça a été fait par Wooden Toaster. Il a mis en ligne le 11 septembre 2011. Petite coïncidence. Et donc, le nombre de vues sur YouTube quand j'ai pris la vidéo, c'était quand même à 384 956. Donc il y en avait plus que pour Party with Pinky. Déjà. Donc le track original, ça s'appelait She's a Pony, c'était par General Mumble, ça a été posté par le mec qui donc s'appelait Whoopies sur YouTube. Et lui, il l'avait mis en ligne le 6 septembre. Donc il faut voir que Wooden Toaster a réussi à faire un remix complet en seulement 2 jours, ce qui est pas mal du tout. Hein, c'est, enfin non, pas 2 jours, plutôt on va dire 5 jours, là, c'est respectable. Et donc, ça a été plutôt bien accueilli par les gens parce que y a pas mal de gens qui aiment Pirates des Caraïbes. Et donc, le mix des deux, c'est plutôt un bon mélange, je pense. Enfin, après, c'est juste mon avis, donc je sais pas ce qu'en pensent les autres membres du... Bah, si, moi, personnellement, quand tu me l'as fait écouter, je me souviens, tu me l'avais fait écouter 2-3 jours avant qu'on ait fait le premier meet-up FR. Ouais. Rêve, j'en profite pour dire, t'as vraiment problème avec ton micro, vraiment. Effet, ouais. Ah, moi, je sais pas, il est, je l'ai pas touché en fait. j'ai un interrupteur. Bref, on s'en fiche, je te dis juste que c'était toi qui avais le problème, ça vient vraiment de chez toi. Enfin, bref, et donc pour en revenir à la musique, tu me l'avais fait écouter juste avant, elle a fini sur l'MP3, je l'écoutais tout le week-end. Mais ouais, bah écoute, c'est normal, hein. C'est de la bonne musique. Donc c'est un morceau qui a plu à beaucoup de monde. Donc en témoigne le nombre de vues. Hein. Donc je vais vous remettre le lien parce que comme vous êtes tous en train de flouder sur le chat du live stream, on sait jamais, ça peut toujours être utile de vous le remettre. N'est-ce pas? Bande de petits sacripants. Ouais. Hop. Voilà. Et donc, réjouis-toi, Sam French Brownie, parce que la dernière chanson, ce sera Nightmare Night. Voilà, donc je vais laisser en avant-première. Je vais laisser la parole au suivant. C'est qui le suivant déjà? C'est moi. C'est toi. Parole, c'est gentil. Allez, alors, vas-y. Pas toi, je te laisse la parole. Ah, c'est horrible. Donc moi je vais vous présenter des PNV. Hein. Oh, attends, non, il faut vraiment régler ce problème avant parce que c'est un fan. Oui, là c'est... Non mais enlève Rave, enlève-le et on le réinvite quand c'est sa partie. Hein. Je suis désolé, mais là... Au revoir. Voilà, ça devrait aller mieux mes petits enfants. C'est bon ça. On ménage en plus. Désolé. Ouais, mais surtout pour les PMV. Donc moi je vous présenter 3 PMV. 2 maintenant, ensuite on fait l'interview et ensuite on enchaînera. Alors, pour la première, je vais vous présenter une PMV très connue. Si je vous dis Chiropointe, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Mais oui. Ah bon, toi, je sais que tu connais. Je sais que Frastov aussi, il connaît. Bien entendu. Alors, Chiropointe... C'est tellement fabuleux, quoi. C'est un mec, en fait, qui faisait des PMV déjà à la base, mais qui les faisait tout sur Premiere, en fait. Il connaissait pas After Effects. Et là, en fait, pour sa dernière, il a découvert After Effects, et maintenant... Il fait des petits PMV très sympas, enfin il a fait un PMV très sympa qui est sorti, qui a été très très vu, qui s'appelle Shine Like Rarity. Putain, Shine Like Rarity. Merci, parce que mon accent anglais est vraiment à couper. Voilà, le raritiste qui, oui. Dans toute sa splendeur. Oh, mais moi je ne suis pas un raritiste, monsieur, c'est Frastov. Je parlais de Frastov. Ah, c'est moi qui mon fils. Alors, mon ami Frastov, pourrais-tu balancer le PMV? Avec une joie incommensurable. Je le savais. Quelle rarité. Ce PMV est tellement fabuleux, quoi. Oui, allez, savourez ça, les petits enfants. Mmh. Voilà. Je l'avais jamais spammé sur YouTube. Je l'avais peut-être regardé une ou deux fois, mais vraiment, il déchire. Hein. Je suis loin d'être artiste, mais vraiment, il est vraiment. Bah, très écoute, bien. Personnellement, moi, j'aime bien un peu tous les. Comment dire? J'aime bien un peu tous les AMV de ce mec. Enfin, tous les PMV qu'il a fait, je les ai kiffés de toute façon. Ils sont tous sur mon disque dur là. C'est terminé. C'est lui qui a fait aussi Learn Like Twilight Sparkle, je crois. Well, Learn Like Twilight Sparkle. Là, il en fait un par main en fait. Il en fait un par main. Ah bah oui. Effectivement, vu qu'il a découvert After Effects, il hésite apparemment à faire avec toutes les, enfin tout refaire quoi, puisque forcément non, il a chopé du skill. Et c'est pas la même chose. Bah voilà, quand tu regardes son premier, enfin genre le Learn Twilight Sparkle, et tu regardes maintenant celui-là, tu fais ouais bon, c'est, il y a une différence de level up quoi. Mais en même temps, utiliser After Effects. Ouais non, mais Learn Like Twilight Sparkle est quand même très bon pour moi. Oui, il est déjà très bon, mais regarde le niveau de différence qu'il y a quand même entre les deux. Ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que Learn Like Twilight Sparkle est fait avec que des images de la série, alors que celui-là, il en utilise très peu finalement. Ah, il a deux trois effets. Faut quand même avouer que son meilleur, c'est quand même sur Rarity. Hein. Voilà. Je préfère celui sur Pinkie Pie. Celui de Rarity est très bon, mais je préfère celui sur Pinkie Pie. Mais c'est pas un point de vue qui. Tu ne peux pas parler de manière objective. Moi non plus d'ailleurs. C'est pas objectif. En parlant d'objectivité, est-ce que tu peux balancer le deuxième qui n'est pas vraiment un PMV, qui est une animation Flash, mais où je ne serai pas objectif non plus? Celui-là il est fantastique. Alors c'est alors, une découverte qui a été hier. Il vient d'être mis sur les questions Anneli, vous l'avez peut-être déjà vu qu'il vient d'être mis hier. Mais Derpy avec Cardcaptor Sakura, magique. Ouais, voilà. Alors on l'a découvert hier soir celui-là. Excusez-moi pour la navigation. Hein. À la base, on devait vous en mettre un autre, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai fait non, on remplace mon autre PMV là et on met celui-là. Attends, obligé. Évidemment, Frastov fait sa petite pub. Hein. Oui, bien entendu. Hein. Écoute, hein. Évidemment. Il n'y a pas de petit profit. Ouais, oui. Voilà, mais ouais, on l'a découvert hier celui-là de PMV, les gens, et franchement, on a dit de suite, celui-là, il faut le mettre. Ah oui, c'est un PMV fait en flash. Hein. Réaction unanime. Dézoome un peu parce que sinon, ils pourront rien voir, les pauvres gens. Voilà, parfait. Ah oui, allez, go. Sauf que y a pas de son. Y a pas de son. Non. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah bah c'est bien. C'est magnifique. on s'excuse pour le problème technique, mais bon, le dieu du flash nous en veut. Ah, c'est bien la preuve quand même qu'on l'a chopé hier. Hein. Ah oui, c'est bien la preuve qu'on a absolument fait aucun test sur celui-ci. Ça a bouleversé tous nos plans. Oui, là. On a viré un PMV pour mettre celui-là en fait, parce qu'on l'a tous vu en même temps, et franchement, c'était épique. Mmh. Oui, mais donc de toute façon, on donnera le lien de cette animation en fin d'émission. Pour du coup, je propose. C'est normal qu'il n'y ait pas de son. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, Xafan. Ouais, voilà, non, un petit peu. Vachement, tu sais. Ah non, moi je suis pas les mecs. Hein. Ouais, mais moi, il me suit moi déjà, il peut pas tous vous suivre. Non, mais au pire. Non, mais sans déconner, attendez, sans déconner, il n'y a pas de son. Mais on sait, Xafan. Oui, non, d'accord, mais très franchement, là je vais être sérieux. Pendant à peu près 30 secondes. Oui, il serait peut-être temps. C'est franchement pas. Vous avez franchement pas géré sur ce coup, les mecs. Oh, hey, on l'a vu pris hier soir. Ouais, on l'a pris hier soir. Ouais, non, mais entre l'heure où on l'a vu et maintenant, vous aviez largement le temps de le faire. Bon, se faire réprimander par un troll, je trouve ça assez constructif quand même. Hein. Tralala. Ouais. Non, mais je suis désolé, mais. Non, à ce mais moment, c'est bon. Il aurait fallu franchement vous préparer comme il fallait, quoi. Ouais, enfin bon, Xafan, bref, là, tu sors. Moi, je vais. Du coup, est-ce que tu peux nous mettre le Party with Pinky à la place, celui que j'avais prévu? Oui, si tu me redonnes le lien, étant donné que je l'avais dumpé, du coup. Parce que là, on vient vraiment à s'excuser de ce problème technique, mais là, c'est complètement indépendant de notre volonté. Putain, mais vous tombez toujours dans le panneau, les mecs, franchement! Non mais ça, vous m'avez vraiment pris au sérieux. Vraiment moi. Mais qui est con? Non mais moi vous m'avez. Attends. Stop. Non, les mecs, je suis jamais sérieux putain. J'étais en train de te chercher le lien mon petit Frastop. Désolé pour le super incident. Vous êtes trop les mecs, vous êtes trop. Quel sale con. Tuons-le. On s'aime. Eh phrase. Tiens, tu peux balancer si. Désolé pour le. Ah, on n'avait pas prévu qu'il n'y avait pas de son, nous. Non, on n'avait vraiment pas prévu, on n'avait rien. Non, sans déconner, excusez-moi, les mecs, excusez-moi. Non, mais ce troll, et on est Je suis tombé dedans, mais comme un bleu, sale con. Oui, espèce d'enf... Enfin bon. On t'aime bien après tout, hein. Oh là là, excusez-moi, excusez-moi vous tous, excusez-moi les gens, mais là j'étais obligé de le faire. Désolé, c'est mon travail. Bon. J'étais engagé pour ça. Allez, on l'écoute. On enchaîne. Franchement, ce PMV, il déchire. Et puis celui-là, au moins, avait du son. Ouais. Et puis oui, franchement, avait... voilà, Pinkie Pie, quoi. Oui, donc attendez, vite fait, pour répondre à Florent, donc un peu plus tôt dans la diffusion, ils m'ont appelé de jeu du troll, et Japan is my passion s'est offusqué parce qu'il disait que je contestais son titre. Sauf que non, ce titre, je ne conteste pas. Tu ne contestes pas ce qui t'appartient déjà. Voilà, c'est... Non, puis de toute façon, on a, je sais pas, avec un troll pareil, comment vous pouvez encore contester que Zafan est le dieu du troll, quoi. Je veux dire, il m'a trollé en beauté. Oui, il nous a tous trollé en beauté. Hein. Donc, pour revenir vite fait sur le PMV avant que j'enchaîne, voilà, un PMV créé par je ne sais plus qui, honnêtement, puisque j'avais pas prévu d'en faire la présentation, hein, au final. Et mais qui est trouvable sur The Org et tout, enfin AMV Org, pour ceux qui connaissent, je pense à toi mon ami Quantum qui... Alors, vite fait, pour te reprendre, c'est pas Party with Pinky, a tribute pour Pinkie Pie, c'est Party Animal, a tribute pour Pinkie Pie. Ouais, je me disais aussi que j'avais une couille dans mon titre, mais voilà, comme je suis pas préparé du tout, du coup. Bah bon, voilà, bah regardez, Quantum qui a toutes les infos, c'est formidable, Quantum qui participe sans qu'on le soit, donc c'est PMV, t'es fait dans le cadre du concours de la voix. Florent a tout compris, voilà. À quoi vous vous attendiez en vous mettant avec Zafan? Il a tout compris, voilà. Oui, c'est pas faux. J'avoue. Depuis tout à l'heure, je vois sur la chatbox qu'on demande... merde, j'ai perdu le message. Le PMV avec Rainbow Dash, you're gonna go far kid, je crois, un truc comme ça, j'en sais rien. Chanson de Offspring, je connais pas vraiment Offspring, mais bon. J'ai vu le PMV, mais il a l'air assez connu, donc voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait lui répondre? Moi je sais pas, je verrai plus tard. Mais pour l'instant, j'aimerais bien enchaîner. Est-ce qu'on peut. Lorenzo, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Voilà, donc voilà. Je vous présente donc vite fait mon invité, qui est donc Lorenzo, qui tient le Tumblr Ask Twilight Sparkle. Mon cher ami Fraz, est-ce que tu pourrais nous mettre des images de son blog? Mais bien entendu. Voilà. Et je vais commencer tout de suite ton interview. Alors, déjà, premièrement, bonjour mon cher Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Et je suis un invité grande marque, alors je pense qu'on peut l'applaudir. Oui. Bon, j'ai cru que je serais tout seul sur ce coup-là. Merci les gars. T'inquiète pas, on est solidaires. Tu ne seras pas en Forever Alone cette fois-ci. Voilà. Alors, pour commencer tout de suite, donc, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en premier lieu? D'accord. Eh ben, ça va pas être compliqué. Je m'appelle Lorenzo. Ok, on l'a déjà dit. J'ai 18 ans. Je vis à Brest, comme ça, juste pour dire. Et puis, ben voilà, j'ai commencé ce blog sur Twilight il y a quelques temps. Avant la rentrée des classes en fait. Et puis ben voilà, donc au départ je m'attendais pas du tout à partir dans ce délire. Je m'attendais pas du tout à avoir un succès comme ça. J'ai été inspiré par par les autres Tumblr qui ont déjà été faits avant. Donc le meilleur, ça serait, ben, pour le mentionner celui-là, c'est Pink Aminadian Pie, fait par Crooked Trees, bref. Et puis ben en plus, il a bon goût. Voilà. Il a bon goût. Ouais. Non, mais bien sûr qu'il a bon goût, Lorenzo. Hein. Et donc, je m'attendais pas à faire comme lui, bien sûr. Mais, voilà, j'ai voulu commencer un blog, et puis, je me suis mis certaines règles à ne pas transgresser, du genre ne pas partir dans des délires trop roleplay ou trop, un petit peu clope. Et mais tu peux parler du club. Hein. Oui, enfin, les Brownies connaissent. Ah oui, on va quand même expliquer. Je vais quand même expliquer vite fait le principe du clubbing. Vous, c'est simple, le club, c'est le bruit que ferait un sabot si vous vous masturbiez, pour être clair. Est-ce qu'on n'était pas censé ne pas parler de... Jusqu'à présent, oui, en effet, le podcast était classe. Oui, mais je n'ai pas précisé. J'ai juste employé les termes qui sont les vrais termes. Hein. Je peux pas non plus... Un mot, tu expliques. Julie, si tu nous écoutes, on s'excuse. Oui, alors petit big up à Julie, on est ravis qu'elle soit là et qu'elle nous écoute. On espère qu'elle est là et qu'elle nous écoute surtout. Enfin bref, pour en venir quand même à l'interview, donc voilà, t'as présenté, c'est tout bien. Comment tu t'es fait connaître en fait? Enfin, ton Tumblr qui a beaucoup de succès, tu l'imputes à quoi? Alors en fait, au départ j'ai commencé, il n'y avait personne à me connaître, il n'y avait qu'un seul mec, et c'était c'est mon ami de toujours, qui est d'ailleurs sur ce chat, je crois, à côté, qui est sous le nom de Some French Brownie. Ah, ouais. Some French Brownie, c'est va, big up à Some French Brownie, allez. Voilà, c'est mon premier ami Brownie, c'est... bref. Voilà, et donc... donc c'était le seul à suivre mon blog, et c'est le premier mec à m'avoir posé une question sur ce blog. Et voilà. Et donc, j'étais pas très connu au départ. Et après, il y a un autre blog qui était plus connu, qui a tout de suite kiffé mon style, apparemment. Ce blog, c'est Ask Rarity. Alors non, c'est pas celui auquel vous pensez, c'est un autre. Il y en a, ce problème, moi, c'est que j'en pense à deux. non, mais j'aurais pas trop le temps de vous montrer un lien, ça va être dur à trouver. Non, mais c'est pas grave, ça au pire on le mettra sur le forum. C'est pas grave, voilà. On trouvera tout ça sur le forum. Et donc ce blog, qui était déjà connu depuis longtemps, qui a un style vachement, vachement intéressant, et qui, ouais, bon, lui c'était pas trop le même délire au niveau de son personnage, il a suffi qu'il reblogue une seule fois un de mes strips, et paf, en l'espace d'une nuit, j'avais gagné 80 followers, enfin 80, pour dire, les followers c'est le nombre de gens qui suivent le blog activement sur Tumblr. Voilà, et j'avais gagné ça d'un seul coup, et donc ce après qui en une nuit est quand même un beau score. Donc, relativement, c'était pas mal. Voilà. C'est beau. Et donc au bout de 3 jours de blogging, j'avais déjà 300, et c'est parti en exponentiel. Voilà. Et à chaque truc que je sortais, il y avait plus de succès à chaque fois, et donc on va forcément arriver à en parler. Voilà, c'est exactement là où je vais aller faire ma prochaine question, donc je vais la faire tout de suite. Et donc, peux-tu nous dire quel est le strip qui t'a apporté le succès que tout le monde te connaît pour ça? Oh putain, non, pas ce strip. Si, si, ce strip. Strip dont, ouais, dont je n'ai pas le lien encore. Alors, en fait... Si, le strip, tu sais, où Spike grandit. Oh non, pitié, pas ce strip. Je veux pas s'y aller encore. Il est en page 2 ou 3, il me semble. Bon, évitez de le regarder pendant le podcast. Comme ça vous évitera de, ben, de faire ce qu'il fait à tout pleurer, le monde. Tu peux le dire. De pleurer. Ouais. J'ai envie de faire pleurer dans les chaumières, moi. Alors, ce strip en particulier était parti, en fait, un peu... Personne s'y attendait. Et même moi non plus, je m'y attendais pas. Je veux dire, la question était simplissime. C'était un truc du genre, qu'est-ce que tu vas faire quand Spike va grandir? Est-ce qu'il tiendra dans la librairie? Donc au départ, la question, elle avait l'air bien bête, quoi. C'était rien d'extraordinaire, et ça pouvait pas mener à quelque chose d'extraordinaire non plus. Mais en faisant ce strip, bah, j'ai eu une idée qui est venue vraiment toute seule. Je trouvais pas cette idée grandiose non plus, mais j'ai laissé un petit peu mes sentiments un petit peu émotionnels parler, et puis ça a tourné en strip vraiment super émotionnel. Et ce strip qui était, personne s'attendait à pleurer devant, mais chaque personne qui l'a vu, beaucoup, la plupart des gens qui l'ont vu l'ont adoré, l'ont reblogué. Ça a fait pleurer tout le monde en une nuit. Et ce strip sur Tumblr a gagné, a reçu 3000 commentaires et les favoris, etc. 3500 et quelques, ouais. Ouais. J'ai un peu halluciné, moi aussi, quand j'ai regardé. J'ai pas loin des 4000. Là, je crois qu'il est pas loin des 4000 parce que il continue d'être reblogué, en fait. Et donc c'est vraiment un gros succès auquel je m'attendais pas du tout. Et vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Non, je voulais juste dire, et puis du coup, t'as mis en couleur, t'as eu des fanarts, t'as eu plein de trucs, quoi. Non, c'est pas moi qui l'ai mis voilà, le stream en couleur. Voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai mis en couleur. En fait, je n'ai jamais fait aucune coloration sur ce blog. C'est toujours quelqu'un d'autre qui a pris les dessins, qui a fait lui-même la coloration, sans que je demande rien à personne. Voilà, ça se fait comme ça, parce que les gens aiment bien. Et puis, là, il y a un mec assez talentueux, je sais pas plus son nom, parce que il en a plusieurs, hein, entre Tumblr, DeviantArt et tout ça. Oui, je comprends. Et donc il a fait cette coloration que j'ai forcément été obligé de poster parce qu'elle est magnifique. Et vous pouvez la voir maintenant. Et du coup, c'est grâce au succès que tu as eu que l'idée de faire des partenariats avec d'autres tumbleristes, comme je les appelle, c'est venu de là, quoi, en fait. T'as été contacté par des gens, ou c'est toi qui es venu parce que j'explique vite fait à ceux qui nous suivent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ta série de strips que t'as fait après ton épique, ta version d'épique Mill Time, j'ai envie de dire, ouais. Ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, tu fais une page toi, une page quelqu'un d'autre, et là, vous venez, juste tout dernier, vous venez d'inviter une troisième personne avec vous. Donc comment ça s'est fait, ça? Alors ça, ça, pareil, je m'y attendais pas non plus, en fait. Non, c'est pas dû à mon succès. C'est juste dû au fait que j'ai posé une question à un autre blog de Twilight, juste pour le fun, comme ça. Je me suis dit, je lui ai posé une question, je lui ai écrit un truc du style « Oui, je trouve que tu as des problèmes psychologiques », parce que l'autre blog, en fait, est basé sur l'épisode célèbre de Twilight de la saison 2 où elle pète un câble royalement. Lesson Zero. Voilà, Lesson Zero. Et donc, je lui posais une question, et du coup, les deux, c'est lui qui a dessiné le premier. La première image, c'était la rencontre entre les deux, quoi. J'ai répondu par un autre strip en image, et lui, il a répondu avec un autre, etc. Et du coup, avant qu'on s'en rende compte, on est parti dans une histoire qui dure beaucoup plus longtemps, et qui implique beaucoup plus de références. Et maintenant, qui va impliquer encore d'autres blogs de Twilight. Ouais, et t'as encore eu des demandes? Enfin, y a qu'une troisième personne, ou y a encore... C'est pas des demandes, c'est nous qui décidons de les ajouter. Ouais, mais on leur demande avant. Oui, non, j'imagine bien quand même que... C'est pas gentil. Et alors là, la troisième, c'est... Comment ça s'appelle? Paranoid Twilight. Qui fait une autre version de Twilight aussi basée sur les Sun Zero. Donc là, normalement, ça devrait être son tour. Elle va mettre un petit moment à faire sa partie. Et ensuite, ça va être encore à mon autre partenaire, puis à moi, puis etc. Alors du coup, ça te prend beaucoup de temps, excuse-moi de t'interrompre, mais tu fais quoi dans la vie pour avoir autant le temps de faire ça? Parce que justement, je sais ce que tu fais, c'est très drôle. Raconte aux gens. Ouais, bah en fait, je ne suis pas censé avoir autant de temps. Je suis en prépa et. Pardon, mais je suis en prépa et je fais ça. J'ai le temps. Okay, tous ceux qui ont fait prépa comme moi, ils comprennent quoi. Et non, en fait, voilà, je suis pas censé faire beaucoup d'autres choses que bosser quoi. Et, mais ça va m'apporter des problèmes, tout ça. tu vas avoir des problèmes, monsieur. Et en plus, ouais. Tu attends, tu vas avoir des problèmes, toi. Ils vont venir, ils vont te saigner. Tu comprends pas. Mais, non, mais c'est ouais, vous pouvez pas si bien dire. Ah, tu prends combien de temps pour faire à peu près une page? Une page, alors ça dépend. Alors déjà, il y a le temps de que l'idée m'ait à venir, donc pour que l'idée vienne. Donc c'est en fait, je m'inspire pas, je force pas l'inspiration. J'attends d'avoir une idée, et ensuite dès que j'ai un truc qui en tête qui peut marcher, bah je commence à dessiner et puis on voit si ça, et puis je vois si ça marche. Ensuite après pour dessiner, ben alors ça prend plus de temps qu'on le croit parce que chaque image, je la dessine au brouillon d'abord et ensuite je dois la décalquer sur du papier blanc, enfin, au propre quoi. Et ça, il faut que bah, j'ai pas de table lumineuse, c'est un petit peu encombrant ce truc-là et cher aussi. Oui, je te donnerai une astuce si tu plus tard, mais plus tard. Ah oui, d'accord. Et donc, j'utilise soit ma fenêtre quand il fait jour, soit mon écran concave de télé quand il fait nuit. Et franchement, décalque sur un écran concave en face de toi et qui te pète les yeux parce que c'est du brouillard, c'est parce que c'est le brouillard blanc de quand il n'y a pas de chaîne. Oh, c'est pas super agréable. Mais j'aime bien dessiner, donc j'aime bien le faire. Ouais. Voilà. Et tu dessines depuis combien de temps en fait? Depuis toujours en fait, parce que il y a des gens, tu peux leur demander depuis quand ils dessinent, ils vont te dire 5 ans. Non, moi je dessine en fait. Vous voyez, quand vous êtes en maternelle et que vous avez pas de maths à faire, vous avez rien à foutre, du coup vous dessinez, entre autres. Ça marche aussi avec la fac, hein. Je tiens à préciser. Ah oui, ça, ah, putain, je confirme. Hein. Non, ça c'est une loi qui marche pendant partout, cours, ça. Hein. Quand vous avez rien à faire, même quand vous êtes au taf, vous finissez toujours par dessiner sur un post-it ou quoi. Hein. Non, pas sûr. À l'ordi, mec, je peux dire que je glande. Hein. Ouais, non. Moi du coup c'est comme tout le monde, sauf que au lieu de m'arrêter et de faire autre chose, j'ai continué et j'ai toujours dessiné. Et après je me suis intéressé à plein de trucs, à des mangas, à des dessins animés, des jeux vidéo variés, et puis c'est le résultat d'une vie entière à continuer à dessiner régulièrement. C'est pas grandiose. Est-ce que tu fais d'autres styles de dessin que du MLP? Ouais, alors j'ai un petit peu arrêté les autres styles parce que vu que le blog me prend beaucoup de temps et qu'en plus je suis un peu bloqué avec le style d'MLP parce que j'adore trop ça. Ouais. Je dessine un peu de manga un peu de manga quoi. Vous pouvez voir sur DeviantArt la totalité des dessins que j'ai fait dans les 3 dernières années. Donc c'est énorme. Et ça commence avec du Sonic. C'est parce que avant j'étais un fan du Sonic. Ok, je l'ai dit, je devrais pas. Pourquoi tu devrais pas? On s'en fiche, hein. Nous. Mauvaise tolérance, hein, mon ami. Oui, nous, on est des brebis. Hein. Ah non, mais quand j'étais gamin et toujours aujourd'hui, j'ai toujours kiffé Sonic personnellement. Ouais. Hein. Mais j'aime plus ça. Bref, et donc ensuite c'est passé à autre chose, genre je sais pas quoi, Dofus je crois. Ouais. Et ensuite j'ai fait du manga, j'ai essayé de faire mes trucs originaux, ça marche pas forcément, parce que j'ai pas beaucoup d'imagination en fait. Pour créer des personnages par exemple, j'ai pas trop d'imagination. Bref. Et donc voilà, mais il y a eu 3 périodes dans ma vie, c'était la période Sonic, avec que de la merde. La période manga avec des trucs un peu mieux mais pas forcément appréciés, et puis il y a la période où je suis en ce moment avec ce blog qui me prend tout mon temps. Ouais, ça on imagine bien vu le temps que tu m'avais raconté un peu pour ton version d'Epic Meal Time, mais ouais. Alors, t'as mis ça... plus d'un mois en plus. Je referai plus jamais ça. Non mais je me doute. Ou alors si ça peut me rapporter du fric, mais franchement un projet de un mois quand tu bosses en même temps en prépa avec tous les dessins à faire deux fois pour chaque, et puis Et puis, ben, le point positif, okay. c'est que c'est là que j'ai vu que t'étais français et que j'ai pu te contacter. Et j'ai fait, mais il est français en fait. Ouais. Mais ça, j'ai. Vas-y. Ça, tout le monde pouvait le savoir en fait depuis le début, parce que chaque fois que je fais une réponse, bah je fais un screenshot de la question et dessus il y a écrit en français machin vous a demandé. Donc et ça j'avais pas fait gaffe, tu vois. Ça implique que mon Tumblr est en français, en version française, et du coup bah tout le monde pouvait voir ça. J'aurais pu être canadien. Ah ah. Voilà, j'aurais oui, bon. Comment j'essaie de me ou belge. Oui, belge aussi. Ouais, mais... Non, mais là, j'essaie de me sauver. Est-ce que tu seras d'accord pour qu'on donne le lien de ton DeviantArt aux gens? Oui, voilà, du coup, j'ai en fait. Ouais. Là, t'arrives un peu tard parce qu'il a déjà été posté sur la chatbox. Ah, bah, c'est parfait. Je suis pas là sur la chatbox, vu que je suis en présence de mon invité, n'est-ce pas? Du coup, je voulais te demander, est-ce que t'as eu un délire mégalomane à un moment en voyant tout le succès que t'as eu? Oui, j'ai eu mon petit délire mégalomane à la Rarity. Et. Ça fait vraiment du bien. Ah, t'as réveillé l'intérêt du raritiste là. Ouais, non, sérieux. Et oui, voilà, j'ai souvent eu mes petites. Et ouais, souvent. C'était très bien imité, ça. Oui, bravo. Oui, j'avoue. Très bien. Tu as mon son d'approbation. Et souvent, bah, je me réveille le matin et je fais ah, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Ah oui, j'ai fait ce blog. Ah là là, je te comprends. C'est super. Et du coup, j'en tire une grande fierté de ces strips, surtout celui-là, là, le celui où Spike grandit, parce que voilà, tout le monde a aimé. Ça inspire certains autres à faire des fanfics. Je crois qu'il y a une fanfic qui a été faite là-dessus. Summer Twilight. Ah oui, Summer Twilight, c'est vrai qu'elle est juste. De quoi? Alors, A Summer Twilight couplé à ton strip justement sur Spike qui grandit, ça, le combo des deux m'a fait chialer, tu t'imagines pas à quel point. Je connais pas. Mais en même temps, je dis pas beaucoup, pour être honnête. Ah ouais, moi qui chiale, c'est rare, hein, mais là. Ouais. Ah ouais. Non. Et je comptais la newser, celle-là, la chroniquer. Bah tu le feras. Oui. Je voulais te demander aussi, il y a certains de tes dessins qui sont un peu sexy. C'est des demandes de brebis ou t'aimes bien dessiner ça aussi? J'adore dessiner ça. Ah, enfin, j'adore dessiner ça, putain, enculé, ta question. C'est la question qui passe, j'allais dire. Tu peux y aller, hein, tu peux tout dire. Nous, là, on ne juge pas. Hein. D'accord, bon. Okay. c'est bien de me le préciser. Alors, non, c'est pas une question piège. Hein. Non, bah oui. En fait, j'adore dessiner ça. Et si j'étais pas restreint à cette petite condition que je me suis posée dès le début de mon blog, de ne pas partir dans le rôle 34 pour pas choquer, pour que tu laisserais cours à ton imagination, quoi. Ben oui, et en fait les raisons qui m'ont poussé à créer un Tumblr, c'est souvent des blogs qui sont comme ça, qui sont basés là-dessus, et ouais, c'est clair, ça donne envie de participer, voilà. Mais il y aura jamais de rôle 34. Il y aura peut-être d'autres trucs un petit peu comme j'ai déjà fait là, sexy quoi, c'est ce que je dis. Sexy, voilà. J'en ferai peut-être d'autres, hein, mais je pense pas que ça fasse ce sera pas ce qu'il y aura le plus sur le Tumblr de toute façon. Voilà, ça sera jamais trop dégueulasse. Ça sera jamais du 34 quoi. Ça sera jamais du 34. Et alors, et maintenant, actuellement, tu reçois encore beaucoup de questions? Oui, j'en reçois pas mal, en fait. En moyenne, je dirais une vingtaine par jour. Et du coup, là, très récemment... Oh, fâche, 20 par jour. Ouais, j'avoue, par jour, quoi. Ouais, ouais, mais avant, quand j'ai... Enfin, ouais, à une période, c'était vraiment du 50 par jour, quoi. Oh, la vache. Oh, la vache, c'est horrible, ça. Ça va être dur, je dirais, avec la prépa. Il y en a deux qui sont depuis que j'ai commencé l'interview. Voilà, donc là le compteur est à 1035 questions. Il a franchi la barre des 1000 il y a pas très longtemps. Mais en fait j'en aurais encore plus si j'y répondais, parce que je ne réponds plus à mes questions depuis mon Epic Milton, depuis que je suis en prépa et depuis que j'ai commencé cette collab avec machin. Avec Friendly Twilight, désolé. Avec machin, oh le mec là qui me suit. Non mais je dis tout le temps machin. C'était, ça devait être terrible. Ouais, et ben Ouais, depuis que j'ai commencé ça, ben je réponds plus à mes questions. Et du coup, ben, à mon avis, ça doit pas motiver tout le monde à poser plein de questions. Parce que par exemple, il y a d'autres blogs comme ben, j'ai vu que il y a encore assez longtemps, Pinkamina Dianpai a montré qu'il avait 5000 questions. Oh la vache. Et Ask Princess Molestia a montré qu'il avait 2000 et plus de questions, alors qu'il a commencé son blog après moi. Ouais, c'est un gros bordel. Et du coup, je vais te demander par rapport à ces questions, c'est quoi la plus drôle que t'aies eue? La plus drôle? Ouais, un truc, franchement, sorte la grosse anecdote, vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, en fait, il y en a qui me font. Il y en a pas tellement qui me font rire. Il y en a qui me font chier souvent. Faut dire les choses comme elles sont. En fait, en ce moment même, il y a un mec qui me troll depuis un moment. C'est un anonyme qui n'arrête pas de poster des questions perverses sur Spike, mal écrites, qui disent des trucs du genre Spike est un pervers, tout ce qu'il pense c'est une rarity. Et bref, du pur trolling. Je ne sais pas ce que fait ce mec dans sa vie, mais il doit s'ennuyer. Et il a dû m'envoyer une cinquantaine de questions comme ça depuis un moment. Et voilà, c'est chiant. Mais de toute façon, c'est pas un bon troll ce mec, sinon il s'amuserait dans sa vie. C'est vrai, mais j'en sais rien. Donc, ouais. Oula, non, ouais, j'avoue, Quantum. Alors, Quantum a dit un truc, c'est vrai, j'avoue, c'est moi qui te spam depuis tout ce temps. Je dois t'avouer que c'est moi. Et ben voilà, c'est moi. Non, je déconne, c'est pas moi. Sérieux? Non, mais non. C'est pas moi. On avait préparé tellement de trucs à l'avance qu'on avait fait ça, tu sais. Voilà, c'est moi, depuis tout ce temps, c'est moi. Ah, c'est vous? C'était juste pour le podcast, c'était nous, en fait. D'accord, ah oui, vous. Eh ben, j'en ai quand même parlé, donc ça a marché. Ouais, voilà, tu vois, on a réussi. Troll successful. Troll successful. Et donc, je ne peux pas vraiment sélectionner une question qui m'a le plus marqué ou qui m'a le plus fait marrer, non, rien. Ok. Désolé. Ouais, voilà. Et pour en finir, parce que voilà, on va pas non plus te tenir 50 ans, hein, c'est pas le but. Ouais. Est-ce que tu aurais une petite exclue à nous livrer sur la suite du blog, sur ce que tu vas faire ou un petit truc, quoi? Ouais, alors je pensais. J'avais quelques idées pour des nouvelles réponses. Oui, en fait, je vais me remettre aux réponses parce que c'est quand même le titre du blog. Poser des questions à Twilight. Et donc, je vais me remettre aux questions. Et là, j'ai une idée pour la prochaine. Je me disais que j'allais la dire sur ce podcast, mais bien sûr, ça ne sera pas à diffuser à tout le monde. Surtout pas mettre sur mon blog ou mettre des réactions. Bref. De toute façon, t'inquiète pas, le micro drive, il essaie absolument de te couper la parole. Ouais, il a mis l'option de censure dessus. Heureusement que t'es là, Rive. Et donc, oui, alors en fait... il répond. La question, c'est... oui, je vais vous traduire ça. Bonjour Twilight, est-ce que tu trouves étrange que tellement d'accidents se sont arrivés à Poneyville en une si petite période de temps? Je crois que Discord serait en train de faire semblant qu'il est encore en statut, bref. Voilà, donc c'est une référence évidente à l'épisode de Merde ou Well, qui est l'épisode d'avant celui-ci qui vient de sortir. Et c'est sur toi, tu viens de dire la connerie qui a marqué phrase. Oui, voilà, je viens de la lire. Bref. J'ai compris la même chose. Oui. On a tous compris Merde d'où Well. Exactement. Désolé. Ouais, ça parle des étranges événements qui sont arrivés, genre il se passe vraiment plein de trucs à Poneyville, c'est encore plus dangereux que Vice City. Et donc je pensais faire la réponse, alors ça serait un truc du style, c'est encore une idée assez vague dans ma tête. Twilight dit non, vous inquiétez pas, il y a aucun problème à Poneyville, tout est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pas Discord, nanana. Et là, ça serait un strip d'au moins 10 images. Un truc manquerait de lui tomber sur la tête. Ensuite, elle sentirait une secousse de tremblement de terre. Puis elle dit non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et puis là, après, il y a plein de trucs dangereux qui se produisent. Elle voit aux infos qu'il y a un truc qui se passe, genre, je sais pas, un tsunami, j'en sais rien. Non, ça serait méchant. C'est une idée vague, comme j'ai dit. Et donc, après, il y a Spike qui rentre dans la librairie en disant Zombie ponies. Et là, il y a une armée de zombies qui arrive et Twilight se bat contre eux. Mais non, c'est normal, Tumblr, ne vous inquiétez pas, ça arrive tous les jours. Non, c'est pas normal. Semblant de rire. Eh ben, écoute, voilà. C'est super sympa de nous avoir accordé l'interview. Hein. Moi, c'est bien parce qu'en plus, tu as répondu à d'autres de mes questions dans mes questions. C'était formidable, j'ai même pas besoin. Par contre, je voulais m'associer avec tous les autres membres du podcast, hormis Xafan, parce que lui, il t'a pas lu. C'est lui qui l'a dit. Enfin, aux autres membres et aux gens qui sont sur la chatbox, parce que je sais qu'il y en a, pour te remercier franchement de ton Tumblr qui est vraiment de grande qualité. Moi, j'adore ce que tu fais. Hein. Franchement, gros fanboy. Je me mets à genoux là. Mais là, ça se voit pas. Franchement, on peut t'applaudir pour le travail que t'as fourni. Voilà, on peut t'applaudir. Alors, attention, applaudissement direct. Là, oui, là. Et je vais me permettre une petite, un peu de m'écarter du droit chemin et de faire un truc sans eux. Est-ce que tu crois que tu pourrais transmettre une question à Twilight de notre part ? Pas de problème. Par contre, ça serait, je pourrais pas mettre le screenshot de la question sur la réponse. Ah mais c'est pas un problème ça. Non d'accord. Ou à moins que quelqu'un foute la question sur le. Personnellement, j'aurais une question à poser à Twilight. Je note. Alors, je sais pas si on lui a déjà posé, et j'espère que c'est pas le cas. Quand elle aura fini de lire tous les livres qui existent sur cette foutue planète, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie ? ça c'est peut-être, bon ça. Elle fera tardi, elle fera toujours tardi, t'inquiète. Peut-être qu'on m'a déjà posé la question, ou sous différentes formes. Enfin, ouais. Mais non, je pense pas en fait. Et donc, voilà, j'ai noté la question. Je ne vais pas y répondre tout de suite, bien sûr. C'est pas un problème, mais si tu peux lui transmettre, ce sera gentil, merci. Ouais, je lui dirai, je la vois tous les jours. On mange ensemble de temps en temps. Oh, mais elle est sympa, il paraît. Oh, salaud, ouais. Je suis jaloux. En fait, j'ai un portail pour Equestria. Oh, où il est, D'ailleurs, tu lui diras, hein. Tu lui préciseras bien que la question vient du consort de Celestia, ça devrait lui donner envie de répondre. Ah oui, là, je pense qu'il n'y aura pas de problème, alors. Ouais, Lorenzo, c'est nous qui allons venir à Brest. Tu viens plus à Nancy. C'est ça. Yes. Bon. Je profite vite fait aussi pour te dire qu'il y en a plein qui te disent quand même qu'ils te kiffent sur la chatbox là. Hein. Oh, c'est gentil. Ouais. C'est gentil. Genre, il y a Tom Keke qui te dit qu'il adore ton Tumblr. Quantum, il t'a fait un gros merci. Je vois une gonzesse qui propose de se mettre nu pour toi aussi. J'ai pas vu moi. Je crois que c'est un homme en fait, tu confonds. Ça doit être qu'uniquement sur l'ordinateur de Xafan ça. J'aurais pas dit. Ah non merde, excusez-moi, ça c'est un spam. On en a un Florent, il veut donner tout son argent pour que tu lui files le portail. Oui j'ai lu ça et en fait je dois m'excuser pour ce mensonge affreux. Je n'ai pas de portail pour écoustir. Mais contrairement à moi. Mais moi, en fait, il est lié à mon sang. Tu peux en acheter. Il y a Gris. Enfin, tu les lis là ou pas, en fait ? Je sais pas du tout si tu les lis. Je viens à peine de me mettre à les lire. J'ai pas besoin de le mettre à tout le monde parce qu'il y en a plein qui te le disent. Donc. Les gens. Et donc, non, le portail, tu peux l'avoir en l'achetant à Serial. Je sais plus quoi. Enfin, bref, le mode d'Equestria Daily, quoi. Il a fabriqué un portail qui coûte à peu près 1 500 000 millions d'euros. Oui, donc, j'ai vu cette vidéo. Mais avant, il est temps de se cotiser. Ouais, c'est bon, les enfants, on se cotise. Non, ouais. on est tous pauvres, mais on va se cotiser. Non, mais de toute façon, avec Otak, on va monter une boîte commerciale, on va pouvoir se le payer, ce portail. Attention, il ne faut pas révéler tout à tout le monde. Vite, achetez mes assurances. J'ai fait des choses pas chères. Il va falloir ouvrir mon compte en Suisse. Alors, non, personnellement, je vends du savon, si ça intéresse quelqu'un. Non. Comment j'ai réussi à le placer, le savon? J'achète. Oh, mais non. Et personne ne va la comprendre, en plus. Enfin, voilà. Bah, écoute, Lorenzo, c'était super sympa d'être venu répondre aux questions. Hein. Nous, de toute façon, on attend de tes nouvelles. Tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Voilà. Et merci à vous. C'était vraiment agréable. J'ai adoré. Lorenzo, si jamais ça te branche un jour, on se fait un Team Fortress, pas un problème. Ouais, grave. Oui, parce que moi, j'adore ce jeu. D'ailleurs, il y aura peut-être un Street Team Fortress sur mon TF2 sur mon. D'ailleurs, écoute, je vais faire ça tout de suite. Je vais t'ajouter, moi. Hein, vas-y. Ça c'est fait. C'est bien que tu commences, tu dégoûtes les gens. C'est... Ah ouais, non, moi j'aime bien dégoûter les gens comme ça. Vous voyez, moi j'ai Lorenzo dans mes contacts là, maintenant. Je suis vraiment un salaud. Quel salaud, quel troll, c'est Xafan. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez dire tout de suite? Je sais plus. Bah, je vais te remercier, donc tout ça, je l'ai fait. Bah, écoute, bah, à plus, c'est tout. ouais, voilà, bah, à plus alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La pub ouais. Et tout est bien sur le forum, pas de soucis. Okay. Et puis, à plus tard et passe un bon moment. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Ça, allez, salut. Salut. Alors, par contre, apparemment, le micro de. J'annonce tout de suite, hein, mais le micro de Ray vient de rendre l'âme, on s'en doutait pas. Donc du coup pour ce qu'il devait présenter pour sa partie jeu vidéo, bah écoutez, de toute façon on la mettra sur le forum et de toute façon vu l'heure c'est pas si grave hein, parce que là on a largement dépassé le temps de parole. En fait, bah écoutez, là il reste encore un peu de stuff il me semble, non? Qu'est-ce qu'il nous reste? Et là il te reste à diffuser ta musique et mon PMV, on a fini. Donc, ok, bon bah alors écoute, on va faire ça tout de suite, donc laisse-moi juste crack. Voilà, donc il reste une musique à voir, à écouter plutôt. Il n'y a que moi qui vois la musique. Donc c'est justement, pour certaines personnes qui ont insisté pour la voir, c'était prévu depuis le début, c'est Nightmare Night de Wooden Toaster qui fit Mike the Microphone. Ils l'ont foutu en ligne le 31 octobre, pile poil. Juste le jour d'Halloween, parfait. Et quand j'ai regardé le nombre de vues qu'il y avait une semaine après, donc le 8 novembre, ils avaient déjà quand même 46 901 vues. C'est quand même pas mal en une semaine. Hein. Donc c'est en fait une chanson qui est entièrement interprétée par les gars qui l'ont faite. C'est Mike le microphone qui s'occupe de chanter les couplets. C'est Wooden Toaster qui fait le refrain avec une voix très très très altérée. Vous pourrez l'entendre. Et donc elle a été mise en ligne juste parce qu'en fait ils voulaient célébrer le retour de la princesse Celestia pour l'épisode d'Halloween du 22 octobre. Et on va écouter ça tout de suite. Now get your goodies and fill up all your bags and go and leave a candy offering for that big old hag. You're running and pray above that she's not coming back to come and take away your soul and eat you up for a snack. So run away and go hide, just keep your head out of sight. The darkness is rising again, cause this is Nightmare Night. You're living in the past, so you won't last without the proper care. The royal's farewell, an anonymous spell, you won't have long to prepare. Voilà, donc super musique. Hein. Voilà. Enfin, moi, je kiffe. Donc, voilà, c'était Nightmare Night de. Vous vous moquez de moi si vous dites que je ne connaissais pas. Et excusez-moi, non. Donc, oui, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. J'ai dit que c'était pour célébrer le retour de la princesse Celestia. Non, c'est pour la princesse Luna. Excusez-moi, je me suis emporté. Voilà. Donc, celle-ci, je dois vous avouer que celle-ci. Messieurs, s'il vous plaît. On ne dit rien. Hein. On dit rien. Donc. Il y a un écho. Voilà, il y a un écho. Excusez-moi, j'avais pas désactivé le son du live stream. Donc, oui, j'ai fait un petit fail. Ça m'arrive. Et donc, oui, j'ai cette chanson, je dois vous avouer que. Le jour où elle est sortie, tout de suite, je l'ai trouvée. Et elle a fini sur mon iPod avant même que je l'écoute. Ça, c'est vraiment le fanboy, quoi. C'était vraiment là, sur le coup, je me suis dit, celle-là, je la DL de suite. J'ai même pas pris le temps de l'écouter avant. Parce que. Je dois vous avouer que depuis que je l'écoute, j'ai vachement plus de facilité avec tout ce qui est à peu près tous les genres de musique que j'aimais pas avant. Il faut avouer qu'avant, j'aimais pas trop tout ce qui est rap, électro, tout ça. Depuis que j'écoute des fans de musique MLP, tous ces préjugés, je les ai virés. Et j'écoute à peu près tout ce qui passe. Et donc voilà. Cette chanson-là, je dois vous avouer qu'elle passe en boucle sur mon MP3. Quand j'ai ma pause au taf de 20 minutes, celle-là, elle passe en boucle. Parce que quand t'es au taf et que t'as 20 minutes de pause sur 7 heures de travail, t'es bien content de te faire ta petite pause poudée de 20 minutes. Quoi. Oh oui. Voilà. Bon, alors on est désolé pour la critique de Rave qui devait venir. Écoutez, on la mettra sur le forum parce que là, son micro vient de rendre l'âme en fait. Son PC. Mais comme il a préparé quelque chose, alors soit on a deux solutions. Soit on vous le reporte pour la prochaine émission qui sera pour janvier. On n'a pas encore décidé des dates, ça on vous tiendra au courant. On a dit courant mi-janvier, hein, de toute façon. Ami phrase, on vous tiendra au courant donc mi-janvier, le temps qu'on fasse les fêtes, qu'on se remette quand même. 1er janvier, allez! Allez, 1er janvier, on fait un podcast, les mecs! Je suis mort, mais c'est pas grave. Le 1er janvier, je bosse, les mecs, s'il vous plaît. Donc, soit on mettra sa critique en ligne, directement sous format texte, ou soit, écoutez, on le décalera pour la prochaine fois, on verra bien. De toute façon, c'est les aléas du direct. Voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Eh oui, Oui, PewDiePie, je travaille le 1er janvier parce que moi, contrairement à vous tous, membres de salle français de mes deux, moi je suis français aussi, mais moi je bosse même les jours fériés, même les week-ends. Voilà. Je suis belge, hein. Ouais, non, mais toi t'es belge, donc. Y'a pas de honte, hein. Ouais, mais toi, tu vas bien commencer maintenant, hein. Et je voulais proposer, pour finir, moi je dirais bien de leur dire au revoir et de balancer la dernière PMV que j'avais gardée sous le coude et puis de leur dire au revoir là-dessus. Ça peut se faire. Donc j'espère que vous avez vachement apprécié le podcast, malgré les quelques petits problèmes, mais qui n'a jamais eu un premier live sans souci. C'est les aléas du direct. On est désolé pour le micro drive, on est désolé pour le gros troll de Xafan bien gras, pour le flash, il n'y a pas de son. Le pire dans tout ça, c'est que vous avez sauté dedans tête la première, connaissez. Bref. Mais depuis à peu près 2 semaines, je me prépare à vous troller comme un gros connard en fait. Tu es un gros connard. Je sais. Et donc voilà. Ah oui, foutez le lien du PMV flash de Derpy sur le forum parce qu'ils ont l'air de le demander ça. Oui, mais ce sera fait. On va tout mettre sur le forum. Inscrivez-vous sur le forum. Je le veux. Vous les enfants, oui. Eh oui. Alors. Voilà, et donc moi je vous propose de terminer avec un PMV qui s'appelle My Little One Up, qu'il y en a plein qui doivent le connaître, mais c'est pas grave. Mais bon, comme il dure un peu plus longtemps, j'ai voulu le mettre à la fin pour pas vous endormir et que ceux qui veulent partir partent, quoi. Enfin bref, c'est un PMV qui a été réalisé en octobre par je sais plus qui, décidément je prépare super bien. N'est-ce pas, oui. Putain, mais sans déconner, j'ai préparé professionnellement mon truc il y a 2 semaines, moi. C'est pas grave, tout sera mis en lien sur le forum avec les infos, j'en ai rien à fiche, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais surtout prévu pour l'interview à la base. Hein, j'en ai rien à fiche, ça c'est beau. Voilà. Donc voilà, avant que tu lances le PMV, voilà, je voulais vraiment remercier tous les gens qui sont venus. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait 40 personnes au début. 40. Et je m'attendais pas à ce qu'on fasse 2 heures de podcast. Surtout. Moi, j'avais prévu. C'était awesome. Franchement, on tient. Bon, on s'est bien amusé, on s'est bien marré. Hein. On tient à vous remercier d'être venus et surtout d'avoir supporté ce torchon jusqu'au bout. Alors si Julie est dans le coin, si elle nous entend, merci d'être venu aussi. Ouais. Alors oui, je tiens à préciser que pour ceux qui ne le savent pas, il y a peut-être la doubleuse française de Rarity qui nous a écoutés aujourd'hui. Peut-être qu'elle voulait garder l'anonymat, c'est bon, vous l'avez gaulé. Bien joué. Voilà. Oui, peut-être. Hein. On a dit peut-être, on ne sait pas, nous, on n'est pas au courant. On ne sait pas si elle est là. Non, si jamais tu es là, excuse-nous, j'avais pas prévu que cette bande d'abrutis des noms au grand public. On lui passe juste le bonjour et on est à la fin. Je pense que voilà. Merci d'être là, Julie, si tu nous écoutes. Et puis désolé pour tout ce qui a été dit de manière barbare, les insanités, tout ça. De toute façon, on te kiffe, c'est le principal. Voilà. Voilà. Bon, et eh bien c'est sur ces mots pleins de tendresse, d'amour et de tolérance que nous quittons. C'est avec le PMV, voilà. Oui. Exactement. Et on aura le plaisir de vous revoir en janvier. Suivez-nous de toute façon, on va créer une page Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur le forum, vous pouvez aller sur French Brony aussi dans Discussion Générale où on a le podcast qui est mis en annonce, hein. En gros c'est le premier post, vous pouvez pas le louper, je dis ça parce qu'il y en a quand même qui arrivent à le louper. Et enfin, aussi voilà. Si jamais vous avez envie de vous faire un petit Team Fortress 2, n'hésitez pas à m'ajouter sur Steam, moi mon compte Steam c'est Xafan _ 2 _ Mahotaken, je vais vous le link tout de suite. De toute façon, je au pire, sais, sur le forum, on pourra créer Je vous le foutrai sur le forum de toute façon. Ça y est, je fais ma star, tu vois. Ouais. Voilà, et si jamais vous voulez faire des dons, je suis ouvert à toute proposition. Vous pouvez me MP sur le forum, il n'y a aucun problème. Voilà, vous pourrez payer via PayPal. Mon compte PayPal. Vous payez via PayPal pour qu'on puisse s'offrir le portail pour Equestria. Voilà. Bah voilà, tu peux balancer la PMV. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Salut. Thank you.